Salut tout le monde, ici Wiggraff. Coolman Skate. Et Dortan, de la gang de réseaugamer.com. Vous écoutez C'est juste un autre podcast, avec vos trois animateurs, Luc Desormeaux, Annick Bélanger et Simon Lefebvre. Bonjour! Alors bonjour tout le monde, bienvenue au sixième épisode de C'est juste un autre podcast, premier de l'année 2012 et avec une nouvelle pièce d'équipement, un nouveau micro qui on espère va améliorer le son. On s'est acheté un beau petit Blue Yeti, donc fait qu'on va espérer que ça améliore parce qu'on s'apercevait le même nous-mêmes là, que le son n'était pas nécessairement excellent dans les derniers podcasts, donc on espère que ça va améliorer les choses. On se croyait dans un blizzard, en fait. Hein? On se croyait dans un blizzard, hein? Un petit lien avec Diablo 3. Oups! Ça, c'est quand on m'entendait, moi. Ça, c'est quand on entendait Annick. Là, ça devrait être réglé. Donc, bienvenue. On a encore quelques sujets pour vous qu'on espère vous allez trouver intéressants, dont Simon, qui va commencer cette nouvelle année en nous parlant d'anime et de manga. On avait fait un petit sondage rapide sur le cguap.com. On n'a pas eu beaucoup de répondants, puis c'est de notre faute en majeure partie. J'ai seulement eu le temps de publier le sondage sur Twitter, donc on n'a pas eu le temps de vous l'annoncer dans le podcast. On a eu juste quelques répondants, mais ça allait tout pas mal dans le même sens. Les gens voulaient que Simon parle de manga et d'anime. Donc, c'est fait, on a écouté, et Simon va nous entretenir de ce sujet ce soir. Avec plaisir, mon cher Luc. Bonjour à tous les otaku qui nous écoutent. Otaku. Mais oui, ici en Occident, ce terme désigne de manière générale un passionné de manga. Au Japon, il a une signification différente et péjorative. Il désigne une personne tellement passionnée par un sujet qu'il finit par se couper du monde réel en s'enfermant dans un monde intérieur. Dans sa bulle, sa chambre par exemple, remplie de figurines et de posters de son idole. J'imagine que... Ben, ok, je me fierai pas à toi et à ta collection de figurines, mais bref... Otaku est aussi l'équivalent du mot geek. Donc, c'est pour ça que je voulais dire bonjour à tous les geeks. Ok, les nerds avec. D'accord. Un manga, c'est une bande dessinée japonaise. Si on avait à traduire manga en français, ça donnerait une phrase proche de dessin exagéré. Ok. Un dessinateur de manga est appelé mangaka. Son mandat, lorsqu'il est recruté par un éditeur, il est vraiment soumis à des rythmes de parution très rapides et il ne bénéficie pas toujours d'une liberté totale sur son œuvre. Donc, c'est important à savoir ça. Tout dépend de la réception auprès du public. Si les gens aiment le manga, l'auteur, même malgré tout que lui voudrait le terminer, il va devoir le prolonger son histoire. Et à l'inverse, ben, les autres qui sont peu connus, ils verront vraiment pas leur suite puis leur fin va être... arrêté de façon assez abrupte. Ça va être abrégé. Donc, comme chez nos amis Quoi de neuf, ça passe ou ça casse. OK. Est-ce que j'aime au niveau des mangas, les livres se lisent dans le sens inverse de nos bandes dessinées. Ce n'était pas comme ça au début, mais après ça, ça a été adopté. Donc, de droite à gauche, ce qui correspond au sens de lecture japonais. Donc, pour ceux qui aiment commencer un livre par la fin, afin de savoir la conclusion, vous allez être déçus de voir que cela ne fait que commencer. Parce que la fin, c'est le début. On estime à 60% le nombre de Japonais qui lisent au moins un manga par semaine. C'est assez bon pour l'économie. C'est quand même pas super, ouais. Mm-hmm. Juste pour vous donner une idée de la popularité, là, les Japonais ont même ouvert un musée consacré au manga. Le Musée international du manga de Kyoto aurait à ce jour environ 200 000 mangas. Ça commence à faire du livre? Ça commence à être du livre. La popularité des mangas fait bonne figure de compétition avec les grosses pointures de la bande dessinée européenne. Par exemple, les 42 tomes de Dragon Ball se sont vendus à plus de 250 millions d'exemplaires dans le monde. 250 millions? Oui, avec un chiffre qui surpasse dans l'absolu celui enregistré par les aventures de Tintin et Milou, avec 24 albums édités à plus de 200 millions d'exemplaires. Ça va faire rêver les compagnies de jeux vidéo. Hey, c'est quoi ton feeling? 250 millions, ça commence à faire de l'argent. Mm-hmm. La plupart des mangas sont destinés en général aux jeunes filles, adolescentes. Ils utilisent le terme shoujo. Pardonnez mon japonais. Mais les hommes même de moins de 30 ans lisent en moyenne 6 mangas par mois contre 3 pour les femmes. Donc, il y a de tout pour tout le monde, vraiment. OK, ouais. Puis, juste pour dire, là, le manga va vraiment jusqu'à s'associer avec les jouets des jeux vidéo. Quelquefois, les jeux et jouets sont créés à partir des mangas. Et vice-versa. Donc, c'est vraiment fort. Là. En fait, c'est ça. C'est vraiment un phénomène de société. Les mangas touchent toutes les classes sociales, toutes les générations. Ça traite aussi de tous les thèmes imaginables. La vie à l'école, celle du salarié, comme nous d'ailleurs. Mm-hmm. Le sport, y compris même cérébral, tel le jeu de Go, dont je discutais avec vous il n'y a pas de cela très longtemps. L'amour, la guerre, l'épouvante, la musique, littérature classique, l'économie, finance, histoire, on en passe vraiment. La cuisine, même le code de la route. Vraiment, parce que eux, ils veulent des fois intégrer les mangas, essayer de donner des vertus pédagogiques à ça. Tant qu'à lire. Tant qu'à lire, si ça peut éduquer. Et vous, tant mieux. Hein? Une pierre deux coups. En fait, lire, c'est bon. Hein? Oui, lire, c'est bon. Bon. Ils vont même jusqu'à faire des bandes dessinées érotique, on se le cachera pas, communément appelé ecchi, qui est considéré comme pour nous du softcore, donc du 1X, là, okay. Qui va vraiment pas dans l'extrême, donc c'est lisable. Là. Jusqu'au hentai, qui lui est plus hardcore et que là. Il y a du 3X, ils se permettent vraiment de. N'importe quoi. Là. Ça rentre tout dans le même paquet, puis ça passe. Là. Donc, ça passe au sac. Je suis désolé pour les puristes parce que, bon, je parle pas japonais, alors je vais tenter d'énumérer quelques titres et les auteurs, alors au moins, voilà, vous êtes prévenus. Juste ne pas me revenir pour dire mon japonais n'est pas très adéquat, s'il vous plaît. C'est aux alentours de l'année 90 en France que les mangas ont vraiment commencé à prendre de l'ampleur. J'imagine qu'il y en a qui vont se retrouver, mais Glénat, qui se trouve un publiciste, un éditeur, une maison d'édition, okay. Essaie de publier Akira de Katsuhiro Otomo, excusez-moi, tu vois, hey, hein? En fascicule après l'édition colorisée en Amérique. Une petite parenthèse, souvenez-vous bien d'Akira parce que c'est une preuve que le marché est bon. Une version live devrait voir le jour, en fait, là, par Warner Brothers. Okay. Ils sont déjà en train de penser à le faire. Moi, je pense que ça a été mis sur la glace, par exemple, pour un problème de contrat ou je sais pas trop quoi. Là. C'est ce qu'on voit présentement, mais il y a d'autres sources qui nous disent que non, c'est peut-être faux. Là. Fait que ce soit sur la glace ou pas, c'est peut-être pas juste au niveau du contrat en tant que tel. Là. Il va peut-être avoir autre chose parce que regarde, comme il y a un autre manga qui s'appelle All You Need Is Kill, qui est un genre science-fiction alien où ce qu'on se tire partout, mais nul autre que Tom Cruise est en pourparlers pour être le héros de cette science-fiction-là. OK. Donc, il veut le produire et être son propre héros dedans. Ben, je sais pas, mais ça fait pas plaisir à tout le monde parce que ça, on associe souvent, et j'imagine pour de bonnes raisons, là, qu'une personne asiatique serait peut-être idéalement le meilleur choix pour les mangas asiatiques à saveur, tu sais, japonaise, coréenne, peu importe. Ouais, parce qu'à la base, je veux dire, c'est. Il y a bien beau avoir du talent, là. Tom Cruise reste. Reste un Américain. Reste blanc. Hein? Il reste un blanc américain. Ça fait peut-être pas dans l'histoire ou. Peut-être qu'il modifie un peu l'histoire pour. Que ça fit avec un Américain, non pas un Japonais, j'imagine. J'en ai vraiment aucune idée, mais j'espère qu'ils feront pas comme ma déception à laquelle j'étais au moins déjà préparé, qui était Dragon Ball, le film. Que je n'ai pas vu. puis que tu ne perds rien vraiment. Ben ça, puis aussi t'as vu Street Fighter qui ont fait la légende de Chun-Li. Qui ont fait, je l'ai pas. C'est aussi très mauvais. D'accord. Donc, puis encore là, Tekken que j'aimerais voir malgré tout, mais tous les films à savoir aussi arts martiaux et autres qui étaient reliés aux jeux vidéo, là, Dead or Alive, ça a été pas mal des flops. C'était pas excellent, non? Ben, c'est ça. Donc, on espère, parce qu'Akira, vraiment, la version japonaise là, originale en 88, est considérée vraiment un trésor des animations japonaises. C'est un classique. Là. Oh, oui, c'est vraiment. C'est extrêmement violent, là. C'est ben, dépendant de la version que vous pognez, parce qu'il y a différentes versions disponibles sur le marché. Version censurée, version non censurée, qui est vraiment à l'extrême, là. Mais c'est assez violent, mais c'est une grosse production à faire, parce oui. qu'Akira, c'est juste créer le monde, puis les motos, puis tout ça qui va dans le film, là. Dont d'ailleurs qu'on va pouvoir poster sur notre site les photos qui montrent la bande dessinée de Akira, avec la photo de la moto, justement, là, qu'on aime bien, puis qu'il y a eu même des gens qui ont fait une autre moto en réel, identique, là, ou presque. Là. Fonctionnel. Oh, oui, fonctionnel. Ouais, on va mettre les photos sur le site, puis on va le mettre aussi dans le podcast amélioré. OK. Donc, juste pour donner un petit peu l'histoire là, autour d'Akira, c'est vraiment qu'il y a une explosion catastrophique qui détruit la ville de Tokyo. Ça semble être d'origine nucléaire. Ça, c'est la prémisse, en fait. Puis souvent, les gens font une référence en souvenir des peurs de la destruction du Japon par les bombes atomiques lorsque ça fut au niveau de Hiroshima puis Nagasaki. Mm-hmm. Mais donc, les gens s'associent beaucoup avec cette Akira-là. Là. Okay. Donc, ça c'est venu chercher les gens pas mal. Là. Donc, soyons de retour. C'est pas vraiment tout le monde qui aime ça. Il y a eu des protestations contre les animés qui étaient maintenant présents dans tous les programmes jeunesse en France. Glénat, une fois Akira achevé, il décide quand même de tenter de nouvelles traductions en publiant des mangas originaux d'animés qui remportaient déjà du succès, dont Dragon Ball d'Akira Toriyama. À partir de février 93, Ranma 1/2 de Rumiko Takahashi en février 94, Sailor Moon Anik de Naoko Takeuchi dès février 95. D'autres éditeurs, justement, sachant que bon, ça commençait vraiment à bien aller, donc Casterman se lance dans cette manga folie. Et quelques années plus tard, entre les années 96 et 2000, là, beaucoup d'animés et mangas sont traduits. Donc là, je vais en énumérer une couple, dont City Hunter, Ghost in the Shell, j'imagine que ça dit quelque chose. Oui, Ghost in the Shell. De Shiro, ouais. Bastard, de Kazushi Hakiwara, Astro Boy, donc Astro le petit robot. Mais oui. Mm-hmm. Qu'on connaissait bien. Et on a vu le film dernièrement. Ah, tu vois. Ils en ont même fait un film, mais ça n'a pas commencé par un film. Ça a commencé par des mangas qui a fait des bandes dessinées, séries télé, et puis là, maintenant un film. Donc, c'est fait par Osamu Tezuka. En 97, Oh My Goddess, qui n'est pas méchant d'ailleurs, je vous l'expliquerai tantôt aussi, Kosuke Fujishima. En 98, Neon Genesis Evangelion, mm-hmm. Cat's Eye, il y a eu même Kenshin le Vagabond, Yu-Gi-Oh! Ça, je crois que c'était une histoire avec des cartes. Hein, Yu-Gi-Oh! Aussi. C'est un peu à la Pokémon ou à la Bakugan aujourd'hui. Là. C'est ça. Donc, il y a eu Ken le Survivant, Captain Tsubasa, Captain Sakura, qui est aussi dans le même style que Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, mais un petit peu plus magique, je dirais. Là. Slam Dunk, qui a remporté aussi quand même un bon auditoire. En 2000... Hunter x Hunter, Shaman King, One Piece, qui est encore à ce jour, qui roule encore, qui est très bon. Depuis 2000? Depuis 2000. Tu parles des mangas ou tu parles d'une série d'animés? Série d'animés. Ça roule encore? Mais les mangas aussi. OK. Ça se suit, là. Donc, ça lâche pas, là. C'est la même chose comme pour Naruto, là, entre autres, là. Et Bleach, qui ça fait des années, là, que ça dure. Ça fait, je crois, 10 ans là, que je suis ça. Là. Naruto. Parce qu'il faut compter ça. Avant qu'il arrive avec Naruto Shippuden, il y avait quasiment 200 épisodes. Okay. Et donc là, on est rendu à peu près à 200 aussi. Fait que ça fait 400, ça en fait. Là. Puis on fait des films et autres. Là. Et, ouais, puis des jeux basés là-dessus aussi. Des jeux basés là-dessus, ça c'est quelque chose aussi, pour montrer l'importance. Là, Lovina, il y en a énormément, mais là, je vous en résume un petit couple. À partir de 2002, les éditeurs savent qu'ils ont vraiment une niche. Les éditions de collection commencent à faire leur apparition. Donc, ça aide beaucoup à fidéliser parce que aussi pour le faible coût de production. Puis ça permet de publier des livres à chaque semaine versus, exemple, pour les gens européens qui vont faire des Astérix le Gaulois, c'était plus mensuel, plus une fois par mois. Donc, les gens vont accrocher plus. À toutes les semaines, ils vont s'attendre à recevoir de quoi de nouveau. Donc, les gens se fidélisent, puis ils achètent, ils en veulent plus. Mais c'est là que, dans le fond, la cible était là pour... Mais ça cause pas peut-être à devenir un peu comme un soap américain. Ouais, un peu de l'amour. Ou trop, c'est comme pas assez. C'est trop long. Non, il y a tellement de tout pour tout le monde que tout le monde y trouve son compte en bout de ligne. Puis les gens se font de l'argent, là. Écoute, il y a de l'argent à se faire là-bas. Puis au moins, c'est ça, on se divertit. Non, c'est correct. Je me demandais juste un livre par semaine, c'est peut-être beaucoup. Mais c'est beaucoup, mais tu vas voir que, comme je voulais expliquer un petit peu plus tard, c'est que c'est au lieu... Ben, je vais l'expliquer dans pas long, là, tu vois. Le fait qu'en 2005, là, plus que de manga que d'albums traditionnels a été édité, a fait que l'an 2005 avait été en France l'année de la mangalisation. OK. Fait que ça a vraiment surpassé les BD européennes. Là. C'est fort, là. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu au niveau de la façon de créer un manga, parce que techniquement parlant, les mangas sont presque toujours en noir et blanc. Ouais, c'est vrai ça. La plupart du temps sont publiés dans des revues peu coûteuses sur du papier recyclé, puis souvent, seules les premières pages de la revue qui correspondent à une mise en avant d'une série particulière là, vont avoir droit de la couleur. Le reste, c'est tout en noir et blanc. C'est ainsi qu'on retrouve des fois, parfois, là, des pages aussi en couleur au beau milieu des œuvres éditées. Une BD européenne, elle va contenir environ une quarantaine de pages. Je crois qu'il y avait ça des planches aussi, si vous préférez, là. Quand le manga en comptera, tandis que le manga, lui, il va en compter plus d'une centaine, voire 200. Par ailleurs, le manga, justement, est plus souvent une série en plusieurs volumes. Tu vois, fait que c'est pour ça que ça leur permet, eux, s'ils font tout au complet, mais ils peuvent publier ça toutes les semaines. Okay. Tandis que l'autre, 40 de pages, c'est comme fini. Okay. C'est là la différence, là. Bon, je vais maintenant éclaircir la question que Luc et Yannick n'aiment pas trop à ce genre-là de manga ou animé. Il me regarde les deux avec des yeux de chevreuil. Ouais, parce que je ne me rappelle pas d'avoir parlé qu'il y a des choses que je n'aimais pas dans les mangas. Ah non, moi je m'en suis souvenu. Ah, OK. Le manga utilise un découpage temporel proche de celui du cinéma, adoptant souvent ses cadrages et utilisant une décomposition du temps et de l'action. Les personnages ont souvent de grands yeux, c'était ça. Ce qui permet de renforcer l'expressivité du visage. Mais c'était aussi que lorsqu'on discutait, c'est que vous autres n'étiez pas trop nécessairement friands de ce style de dessin-là. Tout dépendant duquel. Parce que des fois, vous préfériez les dessins qu'au niveau occident, qu'on avait des yeux qui se rapprochaient plus. Plus de la réalité. Mais eux se servent de ça, justement, comme on parlait de manga, qui est une traduction qui veut dire dessin exagéré. Mais ils mettent l'emphase sur l'expression beaucoup du visage. Et tu vas voir, comme je m'en allais dire ici, les codes graphiques sont utilisés pour symboliser l'état émotionnel ou physique d'un personnage. Donc, exemple, pour démontrer que la personne est présentement en train de s'évanouir, ils vont remplacer, dans le fond, les yeux avec une croix. Donc, tu vas avoir beaucoup de symboles comme ça, que quand tu es en colère, il va y avoir un genre de petit dessin qui va apparaître au-dessus de la tête de la personne pour dire qu'elle bouille, pour dire que ça l'a touché. Tu sais, c'est un petit irk, un petit bout pour dire tu viens de me piquer. Là. Tu vas tout le temps le retrouver, mais ça, c'est uniforme. On dirait qu'ils ont mis ça sur. Tous les mangaka ont adopté la même liste de codes. Comme un standard. Exact. Au moins, si tu passes tu peux comprendre un peu ce que le personnage passe à travers. Vu que ça a été comme standardisé. Exact. Okay. Je ne sais pas si ça a été standardisé, mais ça a été adopté en tout cas. Okay. Donc, il y a également une utilisation fréquente d'onomatopées relatives aux mouvements ou aux actions ou même des pensées des personnages. Faites juste penser à Pikachu lorsqu'il va dire Pika Pika. Okay. Fait que c'est utilisé partout. Fait que c'est encore là une façon pour eux, comme un silence, ils vont dire chi. Fait que eux, si t'entends ça, c'est comme s'il y a un silence. Là. Fait que eux, ils vont le dessiner, ça va te représenter ça. Okay. Fait que faut que tu penses pour dire, quelqu'un va dire quelque chose, ils vont faire trois petits points en voulant dire, je dois-tu vraiment répondre à ça? Ok. Dans ce genre-là. Une particularité à noter, la plupart des personnages ont souvent des traits occidentaux, au-delà du simple tracé de grands yeux des personnages. Là. Donc, oui, on peut s'attendre à voir des fois un samouraï roux, un exorciste aux yeux bleus ou une écolière blonde. Puis pour les Japonais, ça n'a rien d'étonnant. On dirait qu'ils absorbent ça, puis ça fait partie du manga, ça fait partie du tout, quoi. Okay. Fait que ça coule à flot, là. Mais comme dirait Gaston Lagaffe, mais enfin, Mais enfin. Certains y voient une façon d'afficher aussi un attrait pour l'Occident qui apparaît largement ailleurs dans la vie quotidienne au Japon de nos jours. Oui, oui, j'ai même mangé dans un Wendy's là-bas et les burgers étaient encore meilleurs qu'ici, ça je peux vous le dire. OK. J'avais bien aimé ça. Les décors des scènes sont parfois moins élaborés que pour une bande dessinée occidentale. Ça, c'est ce que des fois les gens peuvent peut-être reprocher, mais par contre, ça permet d'aller faire évoluer le personnage, même jusqu'à un décor blanc. Ça, comment je pourrais dire ça? Ça permet de focaliser l'attention du lecteur sur l'histoire en général, puis les dialogues. Donc, au lieu de s'attarder vraiment aux contours, on s'attaque vraiment aux gens, et qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils parlent, on va vraiment s'identifier à ça. Tu laisses le fond blanc, tu mets tes deux personnages. Puis ça pourrait passer. C'est tout. Oui, ouais. Exact. Enfin, ben, les personnages ont souvent des attitudes expressives à outrance. Donc, la colère, la jalousie ou la gêne se montrent facilement. Alors que cette attitude, c'est là qu'on va en venir, est plutôt mal vue au niveau de la culture japonaise. Oui. Où le calme et la retenue sont de rigueur, vraiment, là, lorsqu'ils ont des rapports sociaux avec les autres. Donc, je dirais que oui, je crois que les auteurs, là, sachant qu'ils peuvent dire vraiment que c'est de la fiction, là, ça leur permet aussi de se défouler. C'est comme un exutoire. Exactement, comme bon leur semble, parce que, afin d'enlever les frustrations, des fois, je sais pas, renfermées, mais tant que l'éditeur ne trouve pas ça trop offensant, en fait, là, puis tant que ça passe, ben, puis aussi tant que les lecteurs achètent, ouais. Ça se joue aussi. Ou les ventes descendent, tu dis que peut-être qu'on a fait quelque chose qui n'était pas au bout du monde. Mais c'est la même chose avec le passage de l'absurde et du comique au sérieux ou au drame, sans faire aucune transition. On dirait que c'est une norme qui a été acceptée sans aucune question. Et en plus, en bonus, ils font même des caméos comme dans les films. OK. Fait que des fois, ils vont, comme caméo, ils vont peut-être mettre des fois soit des auteurs de d'autres mangas qui vont faire une apparence, puis ils vont peut-être des fois faire même des petits dessins en rapport sur la même planche, là, ou ça peut être un ami ou une référence quelconque, là, mais ils peuvent s'en permettre, justement, là, tant que ça dépasse pas les bords. Sky's the limit. Exactement. Je vais tenter de mettre une liste avec les différents types de mangas, puis aussi un titre pour les intéresser, là, sur notre site de CJUAP. Mm-hmm. Je pense, dans le fond, que vous avez... en disant tout ça, là, une bonne idée de ce que cela représente, tellement que les gens aiment ça. Ils en ont même créé aussi un terme qu'on appelle le cosplay. Oui, qui est bien connu dans Tokyo Game Show, des choses comme ça. Il y a les du conventions. Cosplay pour les... Et puis il y a des costumes qui sont assez incroyablement c'est bien faits. C'est fantastique. Fait. Moi, là, ça me fait triper. Il y a du monde qui a du budget. Du budget ou l'intérêt aussi. Ils sont tellement dedans qu'on parlait otaku, ils sont tellement dedans, c'est leur bulle, c'est ce qui les reflète. Je trouve ça génial, là. Moi, j'ai pas le talent pour peut-être l'homme invisible. Ouais, si tu réussis à faire un saut d'invisibilité, on en reparlera. Le terme cosplay vient d'une contraction entre deux mots qui sont costume et player, qui est une pratique visant à déguiser en personnage célèbre d'un manga. Donc les gens aiment tellement, ça se situe tellement à un manga, exemple donc Naruto. Il y en a des cosplays là, de Naruto là, incroyables. Là. On peut retrouver ça, des photos sur le net. Là. Il y en a qui sont vraiment très très proches. La réalité. Très bien fait, là, ça n'a pas d'allure. Bleach avec son épée qui était surdimensionnée, mais il y en a qui le font, là, mm-hmm. C'est incroyable. Ou donc la moto d'Akira, c'est génial. Ça commence à prendre du budget pour faire une moto fonctionnelle. Ouais. Mais aussi, le cosplay peut être associé aussi, des fois il y a des stars japonais ou japonaises qui évoluent, puis c'est la façon dont la fille va s'habiller ou peut-être, mais les gens vont tellement s'adapter qu'ils vont amener ça à une convention pareille pour dire « t'es déguisé en quoi, mais je t'en sors, tu sais. » Puis la ressemblance est tout aussi pareil. Fait que les gens, quand on tripe sur un sujet, quelque chose, les autres, ils se mettent à fond. C'est fun, c'est génial. Les cosplayers se rencontrent fréquemment, ils reconstituent les scènes mythiques associées à leurs personnages. Certains ont même fait, comme je disais, là, vraiment très fort dans tout là-dessus. Mais je voulais en venir à parler de la convention en tant que telle, que G-Anime. C'est ce qui se passe présentement ce week-end ici, à Gatineau, cette fin de semaine-là, au Palais des Congrès. Là. On pourrait peut-être le voir si vous allez sur HTTP. L'adresse est assez difficile, mais si vous venez voir sur CJOP, je la mettrai. Ceux qui sont intéressés, peut-être pas pour aller présentement là. Mais peut-être à une prochaine convention, peut-être aussi accroché au G-Anime, là, parce que il y a même certains podcasteurs, dont les Gobelins Toxiques. Mm-hmm. Ils ont lancé des concours, ils faisaient tirer jusqu'à temps que ça arrive, je crois que c'est le mois passé, un billet par semaine. Pour aller là-bas. Pour assister, c'est ça, au week-end, là, qui était du 27, 28, 29, là, donc encore jusqu'à demain. Mais au moment où on va publier le podcast, ça va être terminé. C'est ça. Donc, souvent, les séries à succès qui ont vraiment remporté un grand auditoire sont adaptées en animé, sous forme de séries télévisées, mais aussi de jeux vidéo, qui en font même des films. Donc, oui, on peut dire que les animés sont en partie créés par les mangas, mais d'autres sont simplement créés à partir juste de l'idée de l'auteur. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que le manga soit fait des fois, et ça va être un animé, puis s'il va bien percer, ils vont peut-être faire après ça les mangas. OK, donc c'est pas toujours une suite logique de « on fait un livre, on fait une série animée, on fait un film ». Des fois, ça peut passer à la série animée avant, puis ensuite passer au, au film, puis pas passer au film, mais passer au livre. Mm-hmm. OK. Donc, on utilisait le terme manga eiga, qui en japonais signifiait littéralement un film de manga. OK. Animation, qui est un terme alors porté plus général, parce que il inclut également les films en volume ou autres films d'animation qui ne sont pas inspirés du manga, tels que je venais de discuter. Ils sont très populaires au Japon. En 2001, Le Voyage de Chihiro, Chihiro, a battu le record de recettes dans ce pays, devançant même le film Titanic, qui a coulé. ça vous donne une idée, là, quand même, Titanic, c'était important. C'était énorme, oui. Donc, j'imagine, si je vous dis Princesse Mononoke, ça vous dit quelque chose. Oui, je l'ai. C'est ça. Fait que ça, c'en est certain qui peuvent être considérés comme étant des chefs-d'œuvre du genre. C'est bon, Princesse Mononoke. Moi, j'ai bien aimé. C'est un film qui est assez intéressant. Mais ça, c'est film. Oui. À faire la différence, c'est justement que c'est là que je vais en venir, là, ici, au type d'animé. En général, les différents types d'animés sont distingués par les séries. Donc ça, c'est vraiment diffusé à la télévision. Si la durée standard d'un épisode est généralement de 24 minutes environ, là, le nombre d'épisodes total varie vraiment selon les époques, selon les années aussi là, que je vais pouvoir vous énumérer ici. Comme par exemple dans les années 60. Donc oui, ça recule de loin quand même. Ça fait quand même assez longtemps. Hein? Puis même avant ça, mais moi j'ai réussi à prendre au moins l'année 60. Plusieurs séries d'animés comportent 52 épisodes comme Speed Racer et jusqu'à 193 épisodes pour Astro le petit robot. Okay. C'était quand même énorme pour le temps. Là. Oh oui. Durant les années 70, Gatchaman, je sais pas si ça dit quoi. Ouais, ça. C'était pas la Force G ici? Je crois que oui, ça se ressemble pas mal à ça. C'était le vaisseau qui se transformait en phénix ou en avec les bonhommes. Qui avait un bec. Là. Un espèce de bec. Faucon, ouais, c'est okay, ça. C'est excellent. Ça. Tu vois, ça s'est allé sur 104 épisodes et Yatterman sur 26. Juste te donner une petite différence selon ce que ça poigne ou ça poigne pas aussi. À la fin des années 80, au début des années 90, plusieurs séries ont dépassé les centaines d'épisodes. C'était rendu quasiment courant, là. Mais c'est suite au succès toujours. Mm-hmm. Comme les Chevaliers du Zodiac, 114 épisodes. Sailor Moon avec 200 épisodes. Ou même Dragon Ball, 153. OK. Seulement 153 de Dragon Ball? Seulement 153, mais il y a eu après ça Dragon Ball Z, Dragon Ball... OK. Il y a eu des dérivés. C'est ça. OK, parce que je me disais, il me semble, Dragon Ball... Il y en avait plein, ça commençait bien. C'était plus que ça, OK. À partir du milieu des années 90, le format en 26 épisodes se répand et devient presque la norme, le plus conventionnel. Voire aussi 13, ce qui me choque si j'aimais bien l'animé. C'est ça que je trouve plate, parce que si toi, dans le fond, tu accroches sur un animé, et que tu veux que ça se poursuive, ben, t'es à la merci, dans le fond, de les maisons d'édition, les éditeurs ou les auteurs, peu importe. S'ils décident d'arrêter, t'es fait, là, parce que c'est de quoi t'en veux plus, puis ils font en sorte qu'après 13, ça se termine comme ça, puis il n'y aura pas de suite. Mais est-ce que ça se termine habituellement, ou ça se termine c'est juste pas renouvelé, puis c'est un peu comme les téléséries américaines, où ce que les stations de télé s'en foutent carrément, puis ils décident de... Ouais, mais ça fait pas d'argent, on a pas assez d'auditeurs, fait que ouais, on a fini la saison 1 sur le fait que ça va continuer avec garder ça comme un suspense de ce qui se passe dans la prochaine saison. Et il y en a pas. Donc toi t'aimes ça, puis ça a été cancellé. Un peu comme, je sais pas si toi tu l'écoutais, la série Firefly. Non. C'est une série de science-fiction, c'était excellent. Ils ont juste décidé de pas la renouveler, puis pourtant le monde en veut de ça. Fait que c'est pas comme ça, eux autres, qui c'est décidé que c'est 16 épisodes, puis c'est terminé. Mais oui, exact. Puis pour l'instant, de ce que je peux dire, c'est que j'en ai pas vu encore. Habituellement, ils le savent en cours de route, puis lorsqu'ils vont arrêter, mais ils essaient du mieux qu'ils peuvent de faire une belle fin malgré tout. OK. Donc, ils font avec les outils qu'ils ont, là. Donc, c'est sûr que s'ils se préparent, mais c'est toujours comme une fois par semaine. Donc, s'ils savent à l'avance, ils sont capables peut-être d'ajuster ça. J'imagine au niveau de l'histoire, mais c'est beaucoup de travail là, à ce moment-là. J'imagine que ça va être pas là, comme lorsqu'ils font un jeu vidéo, là, les heures de crunch, là, crunching time. Mm-hmm, quand c'est j'imagine bien, qu'ils doivent mettre les bouchées doubles, mais déjà que les Japonais font 12 heures par jour aussi de travail, c'est quelque chose. Fait des bonnes journées. Donc, je voulais juste continuer avec, par exemple, Neon Genesis Evangelion, Card Captor Sakura, qui ont, eux, 70 épisodes répartis sur 3 saisons. OK. Kenshin le Vagabond, lui, il avait eu jusqu'à 104 épisodes sur 4 saisons. Les longues séries à succès, vraiment, ils disparaissent pas parce que, gars, comme Pokémon, Bleach, comme je te disais, One Piece tantôt, Naruto, qui dénote plusieurs centaines d'épisodes aussi. Je t'avais déjà parlé auparavant, mais je vais aviser les gens aussi. Il ne faut pas oublier les célèbres fillers. Hein, les fillers, c'est des vraiment hors-série, hors du contexte du manga original, mais souvent, comme dans le cas de Naruto, ils vont quand même utiliser le concept Naruto. Qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, soit qu'ils sont en hors de temps ou que le manga ne suit pas nécessairement, c'est que ça irait trop vite pour le manga. Donc, ils décident d'étirer, d'attendre avant de repartir l'histoire normale afin que le manga puisse se rattraper. Okay. De tout. Donc, ils font des fillers pour boucher les trous. C'est du remplissage. Et donc, des fois, c'est pas nécessairement les mêmes auteurs, les mêmes mangaka qui dessinent. Donc, on va voir des fois une différence au niveau. Ça va être plus rough, plus mal dessiné, je pense. Mais en tout cas, moi, de ce que je peux voir, là, quand j'ai regardé. Et oui, je crois que Naruto en a aussi une des plus longues à ce jour, là, au niveau des fillers. Je crois qu'il y en a eu des fois 80 de suite. Qu'on a out, là. Donc, je dirais, au niveau Naruto, à partir de l'épisode 120, là, je parle pas de Naruto Shippuden, mais je parle au niveau Naruto tout court, là, les premiers mm-hmm. que je suggère si quelqu'un est intéressé à écouter, puis ça donne l'histoire de l'enfant qui grandit. Mais à partir de l'épisode 120 jusqu'à 200, je pourrais pas dire qu'on pourrait presque la sauter, mais on pourrait la sauter. On perdrait rien au change de l'histoire normale. Puis okay. 80 épisodes à regarder de 24 minutes... ou juste 20 minutes si on saute les s'il y a des annonces ou quelque chose, ça fait quand même des heures de sauver. Là. OK, vu donc, que tu n'apprends vraiment rien de nouveau, il n'y a rien d'important qui se passe. Exact, parce que c'est hors contexte. Qui va affecter l'histoire en général. Mais okay. pour garder leur auditeur fidèle, ben, ils ont quand même utilisé les concepts de Naruto. Fait qu'au lieu de prendre Naruto en tant que tel, ils ont pris une autre équipe puis ils ont fait une histoire à partir de cette équipe-là. Okay. Puis là, un autre jour, ça va être une autre affaire. Fait que c'est juste fait pour garder l'intérêt jusqu'à temps qu'il puisse repartir l'histoire principale. Exact. OK. Donc, est-ce qu'on peut l'échapper? Mais si on le suit semaine après semaine, non. Parce qu'on a hâte que la semaine d'après, que l'histoire originale va revenir. Mais tu le sais pas, fait que t'écoutes, puis tu te ramasses avec du remplissage. Puis à un moment donné, ils décident de remettre l'épisode... qui suit l'histoire principale que tu voulais connaître. Oui, pis, exact. Mais tu sais pas quand ça va arriver. Puis là, présentement, ils ont refait la même chose avec Shippuden, qui est la partie 2, si tu veux, de Naruto. Ils ont refait des fois d'autres fillers pour continuer à suivre. Mais Naruto, ça fait une dizaine d'années là, que ça tourne. Que là. Ça roule. Soit que j'ai hâte que ça finisse puis qu'il fasse un aboutissement quelconque, mais les gens en mangent. Donc, ils peuvent pas arrêter de quoi qui fonctionne. Puis il y a tellement de produits dérivés et tellement de tout là, que... Ça devient une vache à lait, fait que... C'est ça. Tu dirais même si tu n'as plus d'idées, ben, ils vont remplir jusqu'à temps qu'ils trouvent une idée qui a de l'allure. Pour jusqu'à temps qu'ils étirent ça, qu'ils épuisent ça, puis qu'ils voient que vraiment c'est plus rentable, que les gens n'écouteront plus, parce que j'imagine que c'est une cote d'écoute. Oui, sûrement. Puis si ça l'affecte, ben là, ils vont peut-être couper, ils vont dire « OK, là, c'est fini, on va se rapprocher plus de la fin, puis on va finir ça. » Mais pour l'instant, on dirait que c'est parti encore pour une dizaine d'années. Là. Moi, ça me décourage dans un sens, parce que j'ai hâte d'arriver à de quoi de la fin, surtout lorsque, pour moi, j'ai lu les mangas aussi. Donc, j'ai hâte d'en être arrivé là. Au niveau animé, c'est plus le fun de les voir bouger que de voir que c'est ton imagination qui est fait. Tu sais, je veux dire, quand tu lis un livre. Ouais. Mais bref, j'ai hâte qu'il abrège. Là, j'ai hâte que ça finisse. Ben, c'est parce que c'est surtout que c'était ciblé pour les enfants dans le temps. Que là, les enfants, après 10 ans, sont comme rendus sont rendus à un stade. Faudrait que ça arrête. Là. Puis c'est moi, je parle, j'ai des amis japonais, puis carrément, ils ne l'écoutent plus. Là. Ils se sont tannés. ils ont vraiment passé à autre chose. Là. Ils ont évolué, ils sont rendus à écouter peut-être des animés plus adultes. OK. Donc ça s'embarque plus. Mais même si je dis « Wow, c'est incroyable, on est rendu là. » Ça les intéresse pas. Non, pas du tout. Puis les enfants ne doivent pas embarquer parce qu'ils ont manqué une grande partie. Les personnes qui sont ciblées dans la tranche d'âge pour cet animé-là, doivent se retrouver comme en retard vu qu'ils ont manqué tout ce qui était au début, fait que n'embarquent pas nécessairement. À moins qu'ils vont les avoir enregistrés là, puis qu'ils vont les suivre. Je veux dire qu'ils peuvent trouver ça sur Internet. Ceux qui sont vraiment intéressés à savoir le début, Mais je ne sais pas si on pouvait partir vraiment avec Naruto Shippuden, puis partir à partir de là, parce que je trouve qu'on manque quelque chose. C'est le fun de savoir que l'enfant a grandi, puis a évolué. Exact, là, de savoir c'est quoi l'histoire, en fait, au juste. Là. Quoi que je vais en résumer peut-être un petit peu ici tantôt, mais c'est en rien comparé à mes résumés ici. Là. Okay. Comparé à ce qu'on peut voir, aller chercher là, avec les animés, ce que je suggère fortement. Là. Okay. Au niveau des, comme je disais, les différents types, il y a aussi les OAV, qui est les Original Video Animations. Ce sont des animés produits vraiment pour la vente en vidéo. Okay. Donc, c'est sûr que leur qualité technique est plus souvent meilleure que celle des séries, car les délais sont moins contraignants et le budget plus élevé. C'est vraiment fait pour un public plus ciblé. Là. OK, ouais. OK. Et il y a les films qui sont destinés à sortir au cinéma. Évidemment, ils bénéficient des plus hauts budgets. Donc, on peut s'attendre à de quoi vraiment... De la qualité. Ou de la qualité en tant que telle. Pas, c'est pas des acteurs, mais quand même, c'est des animés. Là. Oh, ouais. Mais c'est très bien fait, là. Donc, pour continuer, les années 70 virent l'explosion de grandes franchises, notamment de Mecha, qui se trouvent être des mécaniques. Des gros robots. Des robots. Donc, Mazinger Z, Mobile Suit Gundam. Les années 80 montrent un fort développement pour le Space Opera. On regarde Macross, lequel qui va être utilisé par la compagnie Harmony Go pour créer son Robotech. Je sais pas ça dit quoi, en 85. Ouais, ouais. Akira, en 88. Ou Kiki, la petite sorcière. Non, hein? Les OAV apparaissent, le hentai également. Oups. Du début des années 80 jusqu'aux années 90, les maisons de production franco-américaines Saban et DIC ont eu tendance à supprimer les crédits des auteurs des séries importées ou coproduites. J'en ai aucune idée pourquoi, mais bon, ça reste à eux autres. Mais je vais les nommer, hein, comme Ulysse 31, Les Mystérieuses Cités d'Or. Ouais. Mm-hmm. Oui. Tu vois. Sont autant des séries associées à des sociétés de production occidentales en réalité. Vraiment, elles étaient produites en collaboration avec des studios japonais tels que Studio Juno ou un que moi aussi je connais bien, là, que je retrouve souvent, Studio Pierrot. OK. Mais le pourquoi qu'ils l'ont fait, aucune idée. Là. Parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on écoutait, nous autres, quand on était jeunes, qui était de provenance japonaise, puis on n'avait aucune idée. C'est ça. Je veux dire, dans ce temps-là, on se cassait pas la tête avec ça non plus. Ça jouait à la télévision, puis on ne savait pas nécessairement d'où ce que ça venait. Mais quand on écoutait Goldorak, quand on écoutait Goldorak, Capitaine Flamme, Démétane, il y en a. Gatchaman, justement, qu'on parlait, qui, je pense que c'est ça, c'était la Force G ou quelque chose comme ça en français. On se faisait bombarder d'animés japonais, mais on ne le savait pas. Non, on ne savait pas. On associait ça. D'où ça venait. C'était à la télé, et voilà, là, c'est tout, là. Donc, si je voulais parler un petit peu de l'arrivée en Europe, c'est dans les années 70. Ça s'est développé avec les premières collaborations entre les compagnies européennes et japonaises avec Vic le Viking, Maya l'Abeille. Mais c'est seulement à partir de Goldorak qui connut un énorme succès, pulvérisant tous les records d'audience après sa première diffusion en juillet 78, que l'animation japonaise l'a vraiment fait une entrée en force sur les chaînes de télévision françaises. Dans la foulée là, de l'effet Goldorak puis d'autres séries japonaises, justement, que tu en as mentionné, telles Candy en 79 avec Albator puis le Corsaire de l'espace. Là. S'en suivit une deuxième vague de séries animées comme Tom Sawyer, Rémi sans famille. Mm-hmm. C'est des choses de notre époque, là, lorsqu'on était jeunes, qu'on écoutait ça. Mm-hmm. Ça jouait à la télévision. Et ça nous a vu une fois, là. Au début des années 80, la France n'est pas en reste et des Français produisirent aussi des séries avec succès, s'entourant d'équipes japonaises, tu vois, mais je sais pas pourquoi qu'ils ont pas inclus, là. Mais ainsi, on a créé Ulysse 31 en 81, j'ai adoré ça, moi, cette émission-là. J'ai jamais regardé. Non, c'était dans l'espace, là. Puis Les Mystérieuses Cités d'Or, je les ai tout écouté, en 82. Inspecteur Gadget, également en 82. Tu sais, Inspecteur Gadget, tu me l'apprends, j'aurais pensé que c'était américain ou c'était... européen, j'aurais pas pensé que ça influence japonaise. Incroyable, hein? En fait, de très nombreuses séries japonaises sont sorties après 80, mais le genre est alors noyé dans le flou de l'animation enfantine. Les télévisions opéraient une sélection vraiment drastique dans la production japonaise parce qu'ils voulaient prioriser plus le français. Mm-hmm. Donc, plus de leur côté, là. Mais avec tout ça, je crois bien, j'espère en tout cas, avoir fait un bon petit tour avec un bref historique, là. Puis bref, après tout ça, où est-ce qu'on s'en va? Ben... J'aimerais vous référer au moins à ma liste des animés, moi-même, personnel, que j'ai bien aimé regarder. C'est sûr que j'ai pas pu faire une liste complète parce qu'il y en a des tas et des tas, là, incroyables. Il y en a beaucoup. Puis moi, j'en regarde constamment. Là. Certains peuvent être classés comme vieillots, mais néanmoins intéressants. Il y avait un autre point que je voulais amener avant tout, là, c'est le point de vue légal. Ouais. OK. c'est sûr que, bon, je suis convaincu que nos auditeurs, là, qu'ils savent que Google, c'est notre ami, là, hein? Google est Google, c'est le meilleur ami. Alors, vous savez comment vous les procurer, mais prenez note que certains animés, là, ont vraiment une licence en Amérique du Nord. Alors, si vous pouviez acheter les DVD ou autres formats qui sont ici, mais ça ferait un bonheur aux auteurs et on reste dans la légalité, là. Puis aussi, peut-être, plus qu'on en achète, plus qu'on va avoir de contenu différent. Parce que s'ils voient que ça se vend, ils vont apporter d'autres choses. Exact, ou ça va les forcer à doubler. Parce que ce qu'on reçoit ici comme animé japonais, c'est une infime partie de ce qui existe pour de vrai. Exact. Donc, je voulais au moins vous référer que Amazon, c'est sûr là, qu'on peut en trouver là-bas. Funimation, donc au www.funimation.com, pour ceux qui aiment le streaming. On peut avoir du contenu gratuit, mais il y a des épisodes, certains épisodes qui coûtent 1,99 là, chacune, okay. Qu'on paye. Donc, on associe à ce que Funimation ait acheté une licence pour justement la vendre après ça aux autres. Un peu comme un Netflix le ferait. Là. Justement, même Netflix en offre. OK. Je crois que c'est 4,99 là. Je sais pas si ça marche par mois, là. Je connais pas trop encore, mais ce que j'ai vu, c'est que Netflix en offre. De toute façon, on va mettre Crunchyroll sur notre site, là. L'adresse est assez longue, là, qui nomme justement en streaming et puis les downloads des sites légaux d'animés. OK. OK. Donc, c'est vraiment libre à vous là, d'aller en chercher là. Ou encore, comme je vous dis, c'est par vous-même, mais si vous le téléchargez, c'est de quoi d'illégal, mais ça sera à vos propres risques. Parce que maintenant, aujourd'hui, avec l'Internet, on ne sait plus ce qui est avec la loi Hadopi ou n'importe quoi qui est adoptée en France, que là, c'est rendu général. Vous êtes votre propre artisan, donc... Moi, c'est ça. Faut regarder avant, savoir d'où ce qu'on télécharge. Normalement, théoriquement, c'est sûr qu'il y a, il y a Mega Upload qui a été fermé dernièrement, que vous pouviez payer, puis c'était pas pour du stock légal. Mais il y a des sites qui offrent des services de streaming ou d'achat de séries. Faites juste être certain, avant de payer, que c'est quelque chose de légal. Vérifiez les sites où vous ramassez ça. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est dur à avoir ici. Il y a bien des choses qu'on n'aura jamais. Puis la seule manière de les avoir, c'est d'aller sur Internet les chercher. Exact. Puis, je veux dire. Si c'était pas de ça, il y a bien des animés, moi, que j'aurais jamais connus, là. J'aurais jamais vu le jour parce que je suis pas au Japon. Non. J'ai pas de télé, là, avec l'antenne pour dire Canal Japon, là. Ouais, ce qui serait intéressant. C'est fantastique. Mais bon. c'est ça. C'est un peu plat qu'on est. Presque coupé de ce monde-là parce qu'on a presque rien à comparer de tout ce qui se fait, là, on n'a presque rien ici. Là. Parce que c'est sûr que les Simpsons, c'était pas mauvais, mais je suis rendu assez à passer la page. Là. Ouais, mais Simpsons, ça achève. Là. Il reste, je pense, 2 saisons, puis ils ont dit que c'était terminé. Là. Bon, tu vois. Alors, ce que j'ai fait, c'est une liste qu'on pourrait mettre vraiment sur aussi CJUAP, mm-hmm, oui. Afin d'aider les gens à se retrouver. Mais je vais en énumérer quelques-uns. Je crois que j'en ai à peu près 26, là, entre autres, là, à pouvoir dire ceux que j'aime présentement et dont une couple que je suis. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, ben on pourra en énumérer peut-être lors de prochains podcasts. J'en parlerai de façon plus exhaustive, vraiment ciblée, qu'est-ce que c'est cet animé-là, de quoi ça parle et tout. Mm-hmm. Si c'est ce que les gens préfèrent, ben ils n'auront qu'à nous le dire, là, puis on s'ajustera en conséquence. Ouais. Alors, je vais tout de suite commencer par une petite liste d'animés que j'aime bien au niveau des films. Bon, Akira, hein, on en avait parlé. Ça serait peut-être une bonne idée que les gens, avant que le film arrive, qu'ils aient vu le film, afin qu'ils puissent... C'est vieux, par contre. Ça date. C'est donc 88... que je disais tantôt, ça date. Donc, c'est vieillot, n'empêche, le scénario est toujours le même. Là. Puis il a ressorti en plusieurs, je pense qu'ils l'ont sorti en Blu-ray. Mais c'est la même chose avec nos films qui font des remakes. Là. Oh ouais. Donc, la vengeance des tomates, je sais pas trop, là, regarde, ils refont un remake, ah ben oui, c'est bien plus beau, mais ça reste que l'histoire, c'est des tomates. Là. C'est ça. Mais Akira, ça reste, c'est la même version qui ressort tout le temps, ouais. Mais ils l'ont sorti en DVD, ils l'ont ressorti en Blu-ray, je pense. Mais c'est comme Star Wars. Oh ouais. Hein, remasterisé. C'est ça. Mais à un moment donné, des classiques comme ça, il faut que ça soit gardé. Il faut que ça soit disponible pour les gens qui veulent le voir. Akira, c'est à mon avis un des très bons films d'animation japonaise. pas pour tout le monde, par exemple. Il y a un bout que je dirais que ça devient complexe, par contre. Oui, l'histoire est difficile à comprendre. L'histoire est extrêmement complexe. Concentrez-vous un petit peu là, pour dire « Oups, je comprends pas, ne vous en faites pas, c'est pas normal. » Je n'emmène pas mon fils de 6 ans. Non. La violence aussi, peut-être. Non, c'est pour les rêves qu'il fait... Présentement. Sinon, dans le film, il fait des hallucinations. Des fois, c'est assez quelque chose. Mm-hmm. Fait que non, c'est pas un film pour enfants. C'est vraiment classé adulte comme film. Oui, ben moi, je considérais ça assez adulte. Là. Mais l'audience, de toute façon, moi, je suis un adulte. À part comme Naruto, qui pourrait être aussi pour les enfants et autres. Quoique ça parle de ninja, puis... s'il y a des combats, là, entre autres. Fait qu'il faut s'attendre des fois à ce qu'il y ait du sang ou quelque chose. C'est normal, là. Mais Naruto, c'est quand même pas tellement... Pas tant que ça, mais il y en a. Mais il y a ça. Deux versions de Naruto. Il y a le Naruto... Ouais, il y a une version Télétoon, je sais pas s'il la présente encore. Oui, il y avait une version censurée qui jouait sur l'heure du souper. Okay. Il y avait une version qui jouait non censurée qui jouait plus tard. Vers 9h, 9h30. Fait qu'il jouait deux versions différentes de Naruto à Télétoon. Bon, ben, chers auditeurs, vous avez présentement une idée comme quoi j'écoute pas Télétoon. Ben, nous, on a comme pas le choix. Fait que non, mais j'avais commencé à suivre Naruto un moment donné à la télévision, puis c'était devenu... je trouvais que c'était trop comme un soap américain à un moment donné. C'est que ça te prenait 4 épisodes pour que ça arrive à quelque part. Mais en plus, toi, tu disais que les saisons, des fois, ils faisaient encore un renouvellement des mêmes épisodes. Ils revenaient tout le temps. Ben, oui. Ça, c'est plein parce que, comme c'était je disais, pénible, là. On a 10 ans d'avance. Là, que s'ils traduisent ça, là, il y en a pour... Puis je suis sûr que ça a été traduit, en France depuis un bout de temps, là. Parce que les Français, normalement, sont assez rapides pour traduire une série qu'ils savent qu'ils vont pogner. Parce que les séries américaines, je vais prendre, on va dévier, mais les séries américaines, Smallville, CSI, Miami, des séries que nous autres, on suit en France, ça fait longtemps que c'est sorti. Puis nous autres, ben on attend encore, on est en retard souvent de 2 saisons, des fois 3 saisons en arrière. Avant que ça arrive. Parce qu'on prend du temps à découvrir ces séries-là. Pourtant, les Américains sont collés sur nous autres. Puis en Europe, ils les traduisent avant. Fait que c'est un peu spécial. Faut aller boycotter le CRTC. Je pense pas qu'ils n'ont pas rapport là-dedans. Si on revient au niveau des films, ouais. Il y a Blood the Last Vampire, évidemment Naruto, Princesse Mononoke, il y a aussi Spirited Away, Ponyo. Ça vient de sortir. Ponyo, exact, ça vient de sortir. J'essaie d'en prendre dans ma tête là, qui vient d'arriver, que j'ai vu dernièrement. Arrietty. Le petit monde, dans le fond, d'Arrietty, là, je ne sais pas si j'ai le titre exact, mais Arrietty, c'est ça m'échappe, mais c'est des borrowers. C'est ça, des emprunteurs, si on veut. Là. Ouais, je pense que le film s'en vient. Là. Mais moi, je l'ai déjà vu, parce qu'il est en japonais, il est déjà sorti. Okay. Là. Mais je pense que la version américaine, il y a une version... Soit c'est la même version traduite. Ça s'en vient en film. Je l'ai vu dans les films d'avenir, présentement, vient, ouais. Là, au cinéma. Ça s'en vient. Donc, c'est sûr que ce qui est ironique là-dedans, c'est que les Japonais, là, lorsqu'on fait une sortie américaine d'un film, eux vont le voir 3 mois plus tard. OK, ouais. Tandis qu'au niveau des animations, c'est le contraire. Eux regardent, déjà, je l'ai vu, et il n'est pas encore sorti ici. Tu vois? Fait que pour eux, lorsque moi, je l'annonce à mes amis japonais, que je te disais tantôt, c'est... Ils m'ont dit, ben oui, mais... C'est vieux, ça. C'est vieux, ça. C'est... Je fais, ben regarde, pour moi, c'est pas vieux. Puis, mais c'est quoi? J'ai aimé ça. c'est un peu comme pour nous autres... Mission Impossible 4, qui va peut-être sortir au Japon dans 6 mois. 3. 3 mois. La moyenne, c'est pas mal 3. Toi, tu l'as déjà vu, puis là, tu dis à tes amis japonais, « Ah, j'ai vu ça, c'est super bon. Ah ouais, t'es chanceux, nous autres, c'est pas sorti encore. » Exact. Fait que c'est un peu le contraire qui se passe. C'est le même phénomène, mais à l'envers. C'est ça. Et il me restait au niveau des films, le Vampire Hunter D, Bloodlust. Il y a beaucoup de... Je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de... À moins que ça me touche plus moi, là... vraiment gothique, vampirique, pouvoir, vous allez le voir de toute façon parce que là, je suis rendu aux séries, dont Aono Exorcist, qui est l'exorciste bleu, la traduction française de ça. Mais si on le recherche vraiment sur Internet, ce serait soit Aono Exorcist ou Blue Exorcist, okay, qu'on pourrait le voir. Donc, ce monde-là se compose de 2 dimensions rejointes en une seule, comme un miroir. Le premier, c'est le monde dans lequel les êtres humains vivent, on appelle Asia. Et l'autre, c'est le monde des démons, qui est la GNA. Okay. Normalement, le voyage et même toute forme de contact entre les deux est impossible. Toutefois, les démons peuvent passer dans ce monde en possédant tout ce qui existe en son sein. Satan, qui est le dieu des démons, mais il y a une chose qu'il n'a pas. Il n'y a pas de conteneur dans le monde humain assez puissant pour contenir sa force tellement qu'il est puissant. Donc, lorsqu'il essaie d'avoir d'emprunter ton corps, de prendre possession de ton corps, mais si ton corps n'est pas capable de l'absorber, ben, il se pouf. Tu te détruis, ouais, ton corps. Il, puis lui, ça ne le dérange pas, il essaie de passer un à l'autre. Là. Écoute. Fait qu'à cette fin, il a engendré Okumura Rin, son fils d'une femme humaine, mais ce dernier est-il en accord avec les plans de son père ou doivent-ils devenir autre chose? Après avoir tué le père gardien, donc le père de Rin, que lui pensait que c'était son vrai père, puis qu'il y annonce, il dit non, t'es le fils de Satan. Ouch! Ouais, bonne nouvelle. Lors d'une tentative qui aurait dû permettre à Rin de retourner dans le monde des démons, il lui donne un rêve. Il lui donne la chance peut-être de devenir un exorciste qui lui permettra de vaincre le dieu des démons. Qui est Satan. Donc c'est ça un peu l'histoire de Aono. Okay. Et je vous dis, c'est quand même très bien. C'est ce que je déplore présentement, c'est ça, c'est 26 épisodes, mais c'était la première saison. Donc, on s'attend à ce qu'il va en avoir d'autres parce qu'au niveau des mangas, donc les ceux qui sont intéressés, je suggère toujours des fois aux gens de voir les animés avant. Et si tu es intéressé, tu peux aller voir les mangas, mais les mangas vont donner des spoilers parce que ça t'avance plus dans le temps. Là. Tu vas plus loin, par exemple, la plupart du temps. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Là. Les personnes intéressées, ben, moi, c'est ça, je l'ai toutes lues, puis j'ai hâte là, que les animés arrivent. Parce que je dis, est-ce qu'ils vont faire pareil comme ils ont fait pour les mangas là? Donc, tu sais, ça reste à voir. Okay. Pour un de soccer, Aria no Kishi, c'est deux frères qui adorent le soccer, dont le plus vieux va faire partie des pros du Japon. OK? Donc, ça, c'est un drame aussi. Dramatique. Okay. Il arrive quelque chose, je ne vous l'expliquerai pas, ceux qui aimeraient le voir, là. Ça serait à regarder, là. Mais je vous en donne juste assez pour aller le voir, pour vous dire que c'est un qui vient de sortir de cette saison-ci. Là. OK. Un assez récent. OK. Un vieux, oh my goddess, le héros réussit à faire venir une messagère de Dieu. Là, il lui demande, elle dit, ben moi, je dois t'exaucer un souhait. Mais le souhait qu'il demande, c'est vraiment de rester. Il demande à la messagère, reste avec moi pour toujours. OK. Donc, ça vient, dans le fond, à l'encontre de. Personne ne s'attendait à ça, le même Dieu. Là. Fait que est-ce qu'il l'autorise ou pas, en tout cas. Fait que c'est vraiment une histoire basée de ça. Puis, oh my goddess, ils en ont fait beaucoup d'épisodes. Fait que c'est vraiment bon, c'est vraiment agréable de suivre tous ces épisodes-là, là, parce qu'il y a ses deux sœurs aussi qui arrivent là-dedans. Puis, fait que c'est des bonnes petites histoires, mais ça fait un bon petit soap. Là. Fait que c'est dramatique, puis tout, c'est cute. Okay. C'est bon à regarder. C'est léger? Oui, oui, c'est quelque chose que toi, tu aimerais. Okay. Donc, dont aussi peut-être Aishiteru Zebebe. En réalité, I Shiteru, c'est I Love You, c'est Je t'aime, mes bébés. Et puis ça aussi, c'est cute. C'est vraiment l'histoire d'une petite fille qui a été négligée par sa mère. Sa mère, on dirait qu'elle a donné naissance à sa fille, mais qu'elle n'était pas prête. Fait qu'elle a décidé de vraiment abandonner sa fille. Et ça se trouve être sa tante qui va prendre la petite fille en charge. Mais sa tante, elle a déjà un fils. OK. Donc, son cousin, puis il veut rien savoir là, de elle. Il dit, regarde, t'es trop jeune, t'es vraiment... Puis là, je dois m'en occuper, c'est un fardeau. Mais plus ça va, plus il apprend à la connaître, puis plus il apprend à adorer sa petite... Puis après ça, il veut plus, donc il est vraiment attaché. Là. Fait que c'est vraiment une belle petite histoire à voir. Là. Évidemment, il y avait Bleach. Un jeune homme se fait tuer par une âme vide qui est appelée un holo. Il se fait alors transférer les pouvoirs d'un Shinigami qui, elle était censée protéger les humains de... Ça marche par bloc au niveau du Japon, comment est-ce qu'il sépare les rues et autres, des districts si on veut. Elle était chargée du district à l'endroit où ce que lui est mort. Fait que là, elle se sentait coupable, elle dit « Mais regarde, en échange, je vais te donner mes pouvoirs. » Fait que là, elle lui donne ses pouvoirs, puis ça se développe, puis encore plus gros que ce qu'elle avait imaginé. Okay. Fait qu'on dirait que lui, il y avait déjà de quoi en lui, et ça se développe au cours des épisodes. C'est vraiment énorme, et ça continue toujours. C'est toujours un qui est un animé là, qui est en cours. Là. Il fonctionne toujours, ça marche. Mais lui aussi a des fillers, par contre, des fois. Ah, okay. OK. Faut s'y attendre, parce que c'est ça, les longs, à un moment donné, il faut qu'ils bouchent. Surtout lors du Golden Week, là, la semaine, là, il n'y a pas personne qui travaille au Japon. Donc, c'est là qu'ils vont étirer, ou ils vont dire, regarde, il n'y aura pas de manga cette semaine-là, parce que... C'est comme un congé... C'est un congé national. OK. Pour une semaine? Une semaine de temps. OK. Parce que c'est ça, fait que lui, il part à la guerre donc contre tous les holos, parce qu'ils ont tué aussi sa mère. Fait que c'est vraiment une bonne histoire à suivre. Blood Plus, qui est un thème vampirique. OK. Je résume ça à ça, là. Fait que c'est à regarder pour ceux qui aiment ça. Chobits, ça c'est à voir absolument. C'est un jeune homme qui rêve d'avoir son propre perso comme. C'est quoi un Persocom? C'est un androïde qui est utilisé comme un ordinateur personnel. OK. Ça coûte très cher. J'ai un genre d'iPad sur pattes? Un genre, oui, c'est ça. Mais c'est vraiment, vraiment bien fait, là. C'est vraiment bon. Il y a une petite amourette là-dedans qui se passe. Mais lui, c'est ça, c'est qu'à un certain moment, une journée, il passe, puis dans une ruelle, il y a des ordures, et puis il trouve un androïde aux ordures. Non, mais regarde, ça ressemble à gants d'acier. Bon, tu vois. Mais là, c'est ça. Fait que là, lui, il l'apprend, il l'amène chez lui, mais en faisant ça, il y a un disque qui tombe. Peut-être c'est son disque de bootage, je ne sais pas. Mais là, elle commence, puis tout ce qu'elle a réussi à dire, que je parlais des onomatopées tantôt, c'est « chi, chi ». Fait que c'est très cute, c'est très bon, puis il y a une bonne histoire à suivre là-dessus. On continue. Je suis rendu dans les C. Fait que j'essaie de faire ça en ordre alphabétique. Ça va aider. J'en ai pris une couple, mais il y en a tellement. Claymore. Ça, c'est très violent et sanglant. OK, je vous avertis d'avance, là. Claire, donc vous allez voir lorsqu'ils prononcent en japonais, là, Claire, mais des fois lorsqu'ils vont le traduire, parce que moi, je les écoute en sous-titré, en anglais. Des fois, ils se mélangent lorsqu'ils font, parce qu'il faut le dire aussi, les fans qui vraiment ont trippé sur l'animé en tant que tel, nous font une faveur, c'est qu'ils prennent la peine de l'enregistrer, eux, sur leur propre télévision, et toute une équipe, après ça, vont essayer de traduire le tout en anglais, puis ils vont faire, justement, refaire le film et nous le proposer. Évidemment, c'est supposé être gratuit, c'est ce qu'on appelle un fan service. OK. Et c'est ça, la plupart du temps, qu'on retrouve sur Internet. Du fan sub? Là. C'est du fan sub. OK. Donc, c'est ça. Claire, une guerrière ayant des pouvoirs que seules les femmes sont en mesure de garder. Donc, il y a des pouvoirs que les hommes, eux, ils n'ont pas l'aptitude là, à pouvoir garder. Fait que c'est juste des femmes, essentiellement. Les hommes meurent là, suite aux expériences qui sont faites. Mais ça va très, très loin. C'est très poussé. Fait que t'as autant des combats d'épée, mais que ça va dans les pouvoirs de un peu démoniaques, si tu veux. Là. OK. Mais c'est quand même très regardable. Il n'y a rien de vraiment épeurant là, et autre. De toute façon, c'est des animés. Qui aurait peur d'un animé? Ouais. The Gray Man. Ça, c'est très bon aussi à suivre. Le jeune Alan Walker, c'est un exorciste. Mais oui, encore un exorciste. C'est à mode? Ouais. Appartenant à un ordre spécial créé par le Vatican, appelé Congrégation de l'Ombre. Le but de cet ordre est d'affronter et d'éliminer des démons appelés Akuma. Et oui, en japonais, Akuma signifie vraiment « devil », donc « démon ». C'est des armes créées avec l'âme d'un mort et dont le corps de l'un de ses proches. Fait que c'est vraiment, ça vient vraiment chercher. C'est que des fois, ils vont pouvoir posséder le corps. Exemple, toi, ton père vient de décéder. Pouf, ils vont prendre ce corps-là puis ils vont l'utiliser contre toi afin d'essayer de te corrompre. Okay. Écoute, ils sont vraiment assez méchants. Fait que le but de cette congrégation-là, c'est d'éliminer justement le démon... Qui fait ça, qui prend possession des corps. C'est ça, ainsi que le créateur qui s'appelle le Comte Millénaire, dont le but, c'est ça, lui, ce qu'il veut, c'est détruire le monde et la race humaine. Ouais. C'est juste un petit but. Petit hobby de fin de semaine. Oui. Un petit hobby de fin de semaine. Un que les gens vont peut-être reconnaître, Death Note. OK, ça c'est Light Yagami, un lycéen qui découvre un cahier au pouvoir surnaturel, le Death Note. C'était anciennement le propriétaire, dans le fond, du livre que lui avait créé parce qu'il était juste ennuyé. Il n'y avait rien à faire dans l'au-delà. Fait qu'il dit, tiens, je vais créer un livre, puis je vais faire des lois dessus. Puis je vais l'envoyer dans le monde humain, voir comment est-ce que les humains vont l'utiliser. Okay. Juste parce que il s'ennuyait pour ne pas manger les cochons d'Inde. C'est ça. Donc, ça permet à l'utilisateur de tuer toute personne dont il connaît le nom et le visage. Ouais. Okay. Fait que c'est vraiment un scénario, là, il suit les efforts de l'aide parce que lui, avant, il était fin. Il avait vraiment un but qu'il voulait essayer d'éradiquer tous les méchants sur la planète afin de faire un monde utopique. Il n'y aura plus de gangsters, plus de voleurs, plus rien. Mais tu vas voir dans des histoires, il y a des changements qui se passent, puis il y en a d'autres qui essaient de... il y a des opposants qui vont essayer soit de s'emparer du livre pour faire la même chose, ou il y en a d'autres qui vont dire « Regarde, ce que tu fais, c'est moralement pas correct, là. » T'es juge et bourreau. C'est exact, là, un Judge Dredd. Ouais, c'est ça. Vraiment. Que je dirais extrêmement violent maintenant, Elfin Lied. Mais je ne sais pas si je le prononce correctement, là. Ça semble être plus allemand, de la façon dont c'est prononcé. Là. Il y a de la violence, il y a de la romance aussi en même temps. Fait que moi, j'ai adoré ça. Il y a juste 13 épisodes par contre. C'est fini. Okay. J'ai trouvé ça vraiment plate. Mais ça se finit avec une fin ou encore sur une porte qui aurait pu être ouverte. Je vous laisse ça à vous de le découvrir, parce que pour moi, j'aurais aimé qu'il y ait une porte. Il n'y en a pas. Okay. Mais donc, ça finit bien. Mais je veux dire, il faut vraiment le découvrir. Il faut vraiment l'écouter. Ceux qui vraiment ils ont pas, ils ont du cœur aux banques, là. C'est juste parce qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ça. C'est-à-dire que c'est très sanglant. C'est très violent. C'est okay. Que les Diclonius, là, des humains mutants, là, ils possèdent des cornes desquelles ils tirent un pouvoir télékinétique. C'est représenté par des vecteurs. Fait que les vecteurs, ils ont représenté ça comme étant des mains invisibles. OK. OK. Et eux, ça fait partie de leur instinct. Ils veulent supplanter la race humaine. Encore? Ouais, exact. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait pour vouloir se faire éliminer tant que ça. Il y en a un que je vais passer... Bon, mais je vais vous l'expliquer là. C'était quelque chose que je voulais vous parler dans un sujet lors d'un prochain podcast, mais je vais vous l'expliquer là, qui est très bon présentement, qui supplante pour moi le même Naruto, Bleach, et c'est Fairy Tale. Okay. OK. Comme un conte de fées. Conte de fées. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est pas écrit pareil. C'est T-A-I-L. OK. C'est un nom de guilde. C'est que dans le royaume de Fiore, il existe parmi le commun des mortels des hommes et des femmes qui manipulent la magie. Hey, regardons ça, on les appelle des mages. Wow! Mmh. Okay. Toi, puis la magie, ben, pas ça du tout. Pas du tout, hein. Pour mieux les contrôler, ben, les guildes, ils se forment. C'est des endroits où les mages se réunissent et font des travaux afin de gagner des joyaux, qui est la monnaie courante dans Fiore. Okay. Ils ont été créés là pour afin de pouvoir avoir un meilleur contrôle par un conseil des mages. Okay? Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est... Il y a des utilités comme qui permettent de fournir un large choix de mages aux clients. C'est-à-dire que toi, si tu as perdu ton chat, tu peux aller voir un mage et te dire, regarde, pourrais-tu me retrouver mon chat? Je te donnerai en récompense tant. Fait que là, les mages se compétitionnent entre eux autres pour faire des missions afin de s'améliorer et afin d'avoir de l'argent. Mais il y a eux, qu'est-ce qui est vraiment, la plupart du temps, vraiment drôle, c'est que même s'ils ont des pouvoirs magiques en tant que tels, les combats se font à main nue. Okay. Tu sais, pif, paf, pouf, c'est pas vraiment... de la magie. Ah non, okay. Puis le pire, c'est ça, c'est que parmi les nombreuses guildes, une d'entre elles fait vraiment particulièrement parler d'elle, ce que soit par ses actes réalisés par ses membres, mais surtout par les dégâts collatéraux provoqués par les derniers à chaque mission, parce que partout ce qui passe... c'est la destruction en gros. Et il s'agit de Fairy Tale. Alors, c'est quelque chose que je vous suggère et qui est toujours en cours, là, présentement. Là. C'est quoi comme ambiance? C'est comique ou c'est action ou c'est un peu mélangé? C'est un peu mélangé, mais c'est axé quand même pour assez jeunes. OK, fait que c'est léger. Comme mais... nous autres. Même Bastien, dans un certain sens, pourrait regarder au niveau de violence de ce qu'il a pu voir présentement jusqu'à date. Et, mais je vous laisserai en juger, là. Mais selon moi, c'est pas nécessairement... C'est une violence acceptée, je dirais, dans la société, là. Qui dépense pas nécessairement des bornes, mais c'est de l'animé. Mais il n'y aura pas vraiment de sang en tant que tel, de... Tu sais, mais il y a... Bakugan, c'est de la violence. N'importe quel animé pour enfants, pas de la violence. Bon, ben, voilà. Pour continuer, Fate Stay Night. Ça, j'ai aimé ça parce qu'il y a même aussi des jeux vidéo là-dessus. OK. Ouais. J'ai entendu parler. Mais si tu regardes sur Google, hein? Google. Tu vas pouvoir trouver. L'histoire s'oriente sur Shiro et son servant, Saber, qui sont à la conquête du Saint-Graal contre 6 autres adversaires. Okay. Donc, dans le fond, ils font, à chaque fois que le Saint-Graal, à chaque temps d'année, il arrive, il fait faire venir, donc conjurer, en anglais, summon, des participants, dont Saber, puis des fois, il y a un caster qui, elle, va utiliser de la magie, et autre, il y a un archer qui, lui, va justement utiliser des flèches, exact, un archer, et ils se compétitionnent pour réussir à avoir le Saint-Graal, parce que lorsqu'ils l'ont, ils peuvent demander un souhait. OK. Et c'est la même chose pour l'être humain qui a fait la conjuration du serveur. Donc, c'est vraiment très bien fait. Puis, il y en a plusieurs épisodes. C'est des épisodes, je crois, de 13. C'est une série de 13. Et puis, ils en ont fait, par contre, 2-3 saisons différentes. Mais je les ai toutes vues. Ce sont toutes intéressantes à voir. Là. Je vous le conseille. Pas de remplissage? Non, pas pour ça. Il y en a un que, présentement, le film est sorti dernièrement ici, qui a été démontré, là, c'est Gantz. Je sais pas si ça vous dit quoi si je vous dis Gantz. Non. Je vais essayer de vous faire une histoire courte. Là. Des gens meurent. En fait, ça commence vraiment avec deux jeunes qui sont dans un métro, puis tu vois comment ce qu'ils pensent. Ils sont vraiment dans le rythme de la vie, là, tu sais, normal. Là, on travaille, on va à l'école, on pense à rien d'autre, là, tu sais. Sont un peu lassés de la vie, mais il voit un vieillard tomber dans les rails du métro, fait qu'il va comme se faire tuer ou se faire ramasser. Mais là, ils décident d'aller l'aider, mais ils se font tuer en faisant ça. Okay. Fait qu'ils le sauvent, mais eux autres meurent. Okay. Mais ils ressuscitent dans une maison où il y a une belle grosse boule noire. Puis là, il se rend compte, il dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis encore vivant? C'est comme une télé-réalité. Parce que la boule noire leur donne des objectifs et des missions à faire. Donc, aller tuer tel extraterrestre, ça va vous donner tant de points. Puis après tant de points, vous allez pouvoir vraiment demander un souhait. Donc, soit vous ressuscitez vous-même dans la vraie vie, ou exemple, avoir de meilleures armes. Parce que les prochaines missions sont de plus en plus difficiles. Okay. En réalité, le fondement, ça va très très loin. Là. C'est une vraie guerre entre des extraterrestres et nous. Et c'est notre technologie qui a été amenée comme ça, là, futuriste, mais qui est à jour. Ils ont des soutes vraiment extraordinaires qui leur donnent des pouvoirs. Là. C'est sont quasiment indestructibles, là, ces personnes-là. Tant qu'ils ont de l'énergie, là, évidemment. Mais là, après ça, ils ont des fusils incroyables et autres. Là, ça vaut vraiment la peine. Puis on a fait un film. J'aimerais bien voir le film, mais je ne l'ai pas vu. C'est un film en animation? C'est un film réel. OK. Il y a des films en animation, mais celle-là, c'est vraiment tiré réel. Hein, puis j'aimerais ça voir pour pouvoir vous en parler. Je vais essayer de le voir prochainement, puis peut-être vous en parlerai une autre fois, voir si ça suit bien là, les histoires de Gans, mais c'est quelque chose que je vous conseille. C'est sorti au cinéma ou c'est sorti en DVD? Ça a été sorti lorsqu'il y a eu Fantasia. OK, ça donne une idée. C'était okay. Fantasia, c'est un rassemblement là, de films... de partout, là, je dirais, là. Mais plus côté asiatique, je crois. Là. Mais ça, horreur, puis choses comme ça. C'est là. Ça. Fait Gans en a fait partie là, de cette année, mais j'ai pas eu le temps d'aller le voir, donc... OK, on regardera ça. De quoi mettre à mon agenda. Mm-hmm. Ceux qui aiment les zombies... Je sais pas pourquoi ils me regardent. Ben non, hein? Mais il y a pas de plaine dedans, là, en tant que tel. Là. Puis un mélange aussi un petit peu à saveur érotique, je dirais, là, c'est High School of the Dead. C'est bon, c'est correct, mais ceux qui aiment vraiment au niveau zombie, que ça leur tente de changer de tout ce qu'on parle d'exorcisme et de vampire. De destruction pas mal de destruction la race totale. Ça fait quand même, ça parle encore de destruction parce que les zombies, leur but, c'est de te manger. Puis si tout le monde devient des zombies, on s'entend-tu que la race humaine elle va se terminer aussi? Oui, encore. Mm-hmm. Mais c'est pas mauvais, mais il faut savoir que faut être prêt à... Ça, c'est ce qui se ressemble au niveau des animés que typiques, là, tu dirais, qui essaient de faire un fan service, qui essaient de donner du bonbon aux gens pour les accrocher, surtout peut-être les adolescents, les garçons, le japonais. Parce que oui, on voit quand même des personnages plantureux. OK. Donc, un peu comme dans les jeux vidéo. Oui, exact. Un peu comme Dead or Alive, où ce que tu vas voir vraiment un peu plus de contenu. Ouais, c'est ça. Donc, la même chose avec Ikki Tosen, mais on en voit un petit peu moins. Mais ça, c'est plus axé au niveau des arts martiaux. OK. Mais quand même, ça parle d'objets magiques qui leur donnent des pouvoirs, qui leur permettent d'avoir de meilleures compétences martiales. Et ça se situe au niveau des combats entre écoles secondaires. Ils ont beaucoup de thèmes comme ça qu'on va voir selon les animés. Et ça va se passer dans le temps des écoles secondaires. Et donc là, ça fait partie que chaque école différente, ben, ils combattent entre eux autres pour savoir c'est qui le chef, qui le meilleur parmi les combattants. Fait que c'est pas mauvais. Maintenant, Canon. Canon, c'est un drame. C'est vraiment touchant. C'était pas mon genre en tant que tel, mais j'avais commencé à le regarder parce que j'étais tanné de regarder les autres ou j'avais peut-être épuisé ma banque de données puis vu que j'avais rien à faire, j'avais commencé à l'écouter. Je l'ai écouté, je crois, le premier épisode jusqu'à la fin. J'ai pas écouté peut-être la saison 2. Mais croyez-moi, ça vient vous chercher. Là. Ils ont bien fait ça. Fait que, okay. Je vous suggère pour ceux qui aiment plus ce côté dramatique. On achève. La loi de Ueki, en anglais c'est The Law of Ueki, c'est une bataille pour déterminer qui sera le prochain dieu successeur. Donc dans les cieux, là, il y a des tournois qui se font où chaque dieu doit choisir un étudiant de secondaire, comme guerrier. Okay. Donc, ils font un tournoi, puis celui qui va gagner, ben il va être élu comme étant le dieu pour X temps, je sais pas là, comment ça marche, mais c'est pas mauvais aussi, parce que c'est ça, t'as tout le temps des pouvoirs spéciaux selon chaque dieu qui amène pour faire des combats, donc les tournois sont forts, comme Dragon Ball aussi, c'est des tournois en tant que tel. Ok. Une petite amourette avec un harem un peu, je vais vous expliquer ce que c'est un harem, Love Ina. Ça aussi, ça a été vraiment très, très bon. Ça s'est vendu à 6 millions d'exemplaires puis 1 million de DVD. Là. Comment ça, bonnes ventes? Hein? Ouais, mais c'est vieillot un petit peu. Okay. Mais quand même bon pour ceux qui aiment ça, mais c'est comique. Donc, tu as une base comique puis tu as aussi une petite base dramatique. Mais c'est agréable à regarder parce que lorsque j'expliquais un harem, c'est généralement, ça va être un gars. Et il va avoir, je sais pas pourquoi, mais 5 La plupart du temps, ça se résume pas mal à ça. Cinq filles, puis dans d'autres animés qu'on va voir, il va tout le temps avoir des groupes de cinq, parce que les personnes vont tout le temps avoir des cheveux de couleurs différentes, là. Mais c'est à peu près le même principe. OK. Fait que là, les amourettes, c'est que le harem, toutes les filles ont comme un crush, ils ont tout un petit quelque chose pour la même personne. Normal, il y a juste un gars. Mais si on parle de point de vue hétéro, là, mais c'est vraiment ça. Fait que si quelqu'un, si on est sur Google, puis on check un animé, puis ça marque harem, ben c'est le type. Où est-ce qu'on va retrouver généralement un gars ou peut-être une fille, mais j'en ai pas vu vraiment, où est-ce que ça va être vraiment cinq gars qui vont essayer de se l'arracher, là. Mais c'est pas mal ça, fait que chacun apporte un petit quelque chose. C'est un jeune homme qui s'était promis d'aller étudier à la prestigieuse université de Tokyo. Okay. Mais il avait promis ça quand il était jeune avec une fille, puis il essaie de la retrouver. Cette fille-là, c'était qui? Fait que c'est là qu'on voit qu'un épisode, ça va être avec une telle, un épisode avec un autre, puis il y a l'autre péripétie qui arrive. Fait que c'est vraiment comique, c'est vraiment agréable, puis ça, on se casse pas la tête. Il y a rien de vraiment... Oui, il y a de la violence, parce qu'il y a une personne, quand elle est trop proche, elle t'a dit « Va-t'en! » Puis paf, je te frappe, puis tu vas partir dans l'espace, quasiment, là. Fait qu'il y a... Fait que c'est là le comique de la chose, là. Vraiment bon. Naruto. Ouais. Oui. Pour ceux qui connaissent pas Naruto, c'est un jeune ninja en devenir. Il se fait mépriser vraiment depuis sa naissance sans trop savoir pourquoi. Il cherche donc à se faire reconnaître puis veut devenir vraiment le chef du clan qu'on appelle Hokage pour se le prouver à lui-même, pour se faire reconnaître. Plus tard, il sait qu'il y a vraiment un des neuf démons qui circule en lui, fait qu'il comprend peut-être un petit peu plus là, pourquoi que les gens le haïssaient dans le temps et aussi pourquoi d'autres cherchent à le capturer et ou le tuer afin de s'emparer de ce démon-là. Donc, oui, les ninjas marchent sur l'eau. Oui. Un que j'ai aimé, Ragnarok The Animation. L'animation, le Ragnarok, c'est vraiment basé sur le MMORPG. OK. Okay, donc, pour ceux qui ont joué dans le temps à Ragnarok, il y a déjà là, présentement le 2, Ragnarok Online 2. C'est vraiment bien fait. Ça se résume, surtout le premier Ragnarok, là, ils ont fait ça là-dessus. Et il y a 26 épisodes, ou 24, 26. Mais c'est vraiment la suite, une belle suite de qu'est-ce que chacun, mettons, la personne, surtout le soldat, le guerrier, et qui va évoluer à devenir, à faire des croisades. Là. Okay. Devient Crusader. OK. Donc, je vous le suggère fortement. J'ai bien aimé ça. Là. Mais c'est parce que moi, vu que j'étais un fan de MMO, de savoir qu'ils ont fait une animation là-dessus, ça t'a accroché. Je pouvais pas ne pas c'est le voir. C'est comme tes deux choses préférées mises ensemble. Et voilà. C'est ça. La guerre de Lodoss. Oui. Hein, oui. Oui. Lodoss est un monde imaginaire inspiré de donjons et dragons où sont représentés des éléments typiques là, vraiment de les fantaisies héroïques ou vraiment de la haute fantaisie telle que la présence de la magie, comme disait d'ailleurs Annick tantôt, moi et la magie, qu'est-ce que c'est? Les races non humaines, l'intrigue manichéenne, comment est-ce que je pourrais dire ça? Vraiment des manigances, tout le monde veut un petit quelque chose, fait qu'il y a du mauvais, il y a du bon, mais... On pourrait peut-être quasiment en parler, savoir... Parce que vous l'avez vu, là. Oui, ouais, j'ai le coffret de... Ça ressemble un peu à Seigneur des Anneaux mélangé avec... Je sais pas, mais c'est un peu... T'as des elfes, t'as des nains... Ce qu'on trouve dans les Seigneurs des Anneaux. C'est ça, fait que ça ressemble un peu... Un dragon. C'est ça, c'est très bon. T'as aimé ça? Bon. Oui, ouais, l'histoire est très bonne. Mais encore là, je crois que c'est deux fois des saisons de... T'as deux fois des épisodes de 13, là. Dans le coffret que j'ai ici, il faudrait que je le retrouve. Il est à quelque part. Il est ici, là. Ah, ici, ouais. Last War. C'est trois DVD. Ouais, toi, c'est trois DVD. Moi, c'est le coffret. Si quelqu'un le cherche, là, c'est Imavision qui le distribue. C'est trois DVD qui, en tout, c'est 13 épisodes. Fait que, et voilà. C'est ça. Ce que je disais. C'est 13 épisodes. Mais si on répartit ça sur trois DVD, on s'entend que la qualité va être bonne. Oui, oui. Oui, ouais, c'est bon. C'est beau aussi. Moi, je trouve que c'est bien dessiné. Là. C'est pas. Même si c'est un peu. Ça date quand même d'une couple d'années, je exact. Pense. Ouais. C'est quand même beau à regarder. Ceux qui aiment la fantasy. Oui, si t'aimes la fantasy. Mm-hmm. Ceux qui voudraient se le procurer, ça se trouve, c'est en français. Vous pouvez l'avoir au Canada. Parce que sur Imavision, c'est ça que tu disais. Oui, il se trouve en français ou on peut trouver aussi le coffret en anglais. Que moi j'avais acheté en premier, c'était anglais sous-titré japonais. Okay. Là j'ai le coffret français. Que j'ai eu à ma fête à un moment donné. Mais tu vois, c'est encore une chose que j'aimerais prévenir les gens, c'est que comme pour moi, qui est habitué à écouter les animés en japonais avec traduction anglaise, mais quand que je l'écoute vraiment doublé en anglais, je trouve ça vraiment un peu différent, un petit peu dérangeant. Okay. Parce que moi je suis habitué à tel type de voix. Et après ça, lorsque je vais associer, je m'attends quand même à ce type de voix-là. Puis moi, ça me dérange. Donc, c'est libre à vous de vouloir l'écouter, savoir si c'est anglais ou non, là. C'est comme vous voulez, mais pour moi, là, je reste toujours avec mon idée de regarder ça en japonais, ça va être sous-titré en français. OK. Ça, nous autres, on n'en regarde pas assez, fait que ça me dérange pas. C'est ça. De l'écouter en français. J'avais déjà écouté Lodos en, je pense, japonais sous-titré en anglais. J'avais trouvé ça pénible. Bon, tu vois. Mais toi, tu fais ça tout le temps. Je fais ça tout le temps. Moi, je trouvais ça dérangeant d'avoir à lire. Puis pendant que je lisais, je voyais pas ce qui se passait à l'écran. C'est quand même, les dessins sont quand même beaux. C'est que l'histoire est quand même intéressante. Fait que je trouvais ça tannant de passer mon temps à lire. Puis de pas pouvoir voir l'action. Puis juste écouter. D'où la raison de son coffret en français. OK, parce que je sais pas pour moi. Je suis habitué comme ça. Fait que soit que mes yeux sont adaptés à faire la transition peut-être rapide, survolée, je sais pas. Ou les mots que t'entends, à un moment donné, t'es... Ben, en japonais, oui, exact. Habitué. C'est ça. Fait que t'en lis moins que quelqu'un qui a jamais entendu du japonais. Ça se peut. Donc, c'est ça. C'était juste un petit conseil comme ça, à savoir... parce que Imavision vient de traduire aussi Les Mystérieuses Cités d'Or, peut-être Albator. Albator, ouais. Mais ça reste que c'est des vieux, là. Oh, ouais. Donc, pour ceux qui ont la nostalgie, tant mieux, allez-y, parce que c'est disponible maintenant jusqu'ici. Yay! Ouais. Sauf Goldorak. Sauf Goldorak. Qui est en Europe. Tu peux l'avoir. Si, ceux qui auraient un lecteur DVD qui peut lire du PAL puis convertir, vous pouvez vous le commander d'Europe. Et ça, sans aucune région, là. Mais non, ouais, c'est ça, le lecteur DVD qui lit n'importe quoi puis qui va convertir le PAL au notre format qui est ici, NTSC. Mais au Québec, ça n'a jamais sorti parce que ce qui s'est passé dans le passé, ou ce que supposément où on avait dit que ça pognait pas ici, mais ils faisaient des millions de dollars avec ça. Fait que quand ils l'ont su, ils nous ont mis sur la blacklist. Bon. Si on revient avec ma dernière liste, là, il m'en reste juste 3-4. Rurouni Kenshin, un samouraï au passé sanglant. Donc, oui, il avait commis, donc évidemment, des combats, des crimes. Il veut se repentir, en fait. Donc, c'est une très bonne histoire à suivre. Mais oui, je crois que c'est un samouraï aux cheveux roux. Okay. Donc, c'était pour ça que je l'avais annoncé tantôt. Là. Un, que les gens peuvent vraiment trouver ça, comment je dis ça, bizarre, mais quand même bon à suivre, c'est Serial Experiment Lane. D'accord? C'est vraiment l'histoire d'une petite fille qui est une jeune adolescente. Elle s'appelle Lane et elle est solitaire. Elle se sent mal dans sa peau. Et pour ajouter le tout, suite à la mort d'un de ses camarades de classe, elle se découvre une passion pour l'informatique et le Wired. Okay. Okay, le Wired, pour eux, c'est vraiment câblé, grillagé parce que t'es vraiment dedans. C'est une sorte d'évolution pour eux d'Internet. Elle reçoit un email qui est envoyé par elle-même après sa mort qui explique que seul son corps a cessé de vivre et qu'elle-même vit dans le Wired. Elle est dedans, là, vraiment. Fait que c'est assez complexe, assez difficile à suivre, mais c'est intriguant. À la tronc, un peu? Je dirais pas à la tronc, là, mais... comment je pourrais dire ça? C'est assez que... Il faut se concentrer pour le suivre. Là. Okay. Mais pour ceux qui aiment informatique un peu, qu'est-ce que c'est? Comment l'auteur peut avoir pensé si loin que ça, dans le temps aussi, parce que c'est quand même pas récent. C'est quand même bien, là. Donc, elle va vraiment s'immerger dans le monde d'interconnexion jusqu'à s'y perdre, là. OK. OK. Donc, à voir. Un autre que j'imagine vous avez peut-être vu, Stelvia. Non. Stelvia de l'univers. Ou juste peut-être par Stelvia qu'on peut le retrouver. Là, c'est vieux, mais c'est bon. En l'an 2167. Donc, j'imagine. Ça peut pas être vieux. Non, c'est pas vieux, hein. C'est nous autres, là. Dans le futur. La Terre est dévastée par une forte onde de choc électromagnétique. Encore de quoi de catastrophique. Non, au moins, c'est pas des extraterrestres ou des zombies ou des forces maléfiques qui veulent nous éliminer. C'est naturel, au moins. Oui, parce que c'est causé par la supernova d'une étoile située à 20 années-lumière, Beta Hydri. 189 années plus tard, en 2356, d'accord, vous me suivez jusque-là, la civilisation a été reconstruite et l'humanité entière atteint la seconde onde de choc qui contiendra beaucoup de matière de l'étoile elle-même, là. Donc, okay, des morceaux. Ouais, des morceaux. Mais l'histoire tourne vraiment autour d'une jeune qui apprend à piloter un vaisseau, là. Puis, c'est, en tout cas, je vous suggère vraiment fortement, c'est du science-fiction. Mais c'est bien fait parce qu'elle fait comme un petit peu Luke avec « Sers-toi de ta force ». À un certain moment donné, c'était rendu trop pour au niveau du pilotage. Elle est super bonne en programmation. Mais au niveau du pilotage, elle a trouvé à se faire un algorithme elle-même. Puis après ça, elle devient super bonne, là. C'est vraiment à voir. Et mon dernier. Pas déjà. Ça s'appelle Zero No Tsukaima. qui, si je traduis en français, le familier de Zéro. Okay. Qui est Zéro? C'est la protagoniste, en fait. C'est dans le monde, là, vraiment, d'Alkijinia. Tous les nobles naissent avec un don leur permettant d'utiliser la magie. Oups. Encore de la magie. Cependant, la jeune Louise de la Vallière, et ce qui est le fun, c'est justement en japonais, ils prononcent ça comme ça. Fait que c'est le fun de voir leur tournure de langue si on a misère avec les L et les R, hein, comme nous autres. Là. Élevée à l'Académie de magie du royaume de Tristan, présente des résultats si désastreux dans ses diverses tentatives que ses camarades doutent de ses pouvoirs. Et évidemment, il l'appelle Zéro. Okay. OK. Étant en deuxième année, elle souhaite profiter de la cérémonie du familier pour prouver à tous qu'elle a des pouvoirs vraiment là, comme tous les autres, puis qu'elle est capable elle aussi. À Tokyo, le jeune Saito Higara se retrouve à Akihabara, ça c'est un endroit au Japon, pour faire réparer son ordinateur, et c'est l'endroit par excellence là-bas, portable, lorsqu'un cercle de lumière apparaît devant lui. Il est intrigué, il se rapproche, puis oups, il se fait absorber parce qu'il se révèle être un portail interdimensionnel. Bon. C'est parce qu'en fait, lorsqu'il a fait sa conjuration de familier, il était choisi pour devenir le familier de la jeune et ainsi accomplir leur fabuleux destin ensemble, celui des élus du néant, parce qu'elle a de la magie, mais les gens ne le reconnaissaient pas. C'était une magie, dans le fond, du vide, du néant. Je ne vous en dis pas plus, mais là, il y a donc une autre saison. Il y a la saison finale qui joue présentement. Mais c'est à regarder, tout ça, pour ceux qui aiment encore, c'est de la fantasy, mais c'est plus léger. OK. Donc, tout le monde peut regarder ça, là. Ça ressemble un peu à la Harry Potter. Oui, oui, oui. On pourrait peut-être associer, donc ça serait bon, là, si vous voulez vous en souvenir. Mais de toute façon, on va vous poster la liste, là, vraiment sur CJUAP, là, mais c'est Zero No du Kaima. De toute façon, avec le nom, je suis sûr que je m'en rappellerai. Ben, zéro, quand même. Ouais, zéro, mais c'est le reste qui va aller. Ben, sur ce, merci pour tout. Bon visionnement, en espérant que vous ne deviendrez pas accro, là, comme moi. Ouais, c'est ça. T'aimes ça, c'est une passion. Un peu comme les MMO, puis je veux dire... Ça me divertit, écoute, au lieu d'écouter un film qui dure 2 heures, je peux écouter 5 épisodes de différents animés. Donc, je m'y retrouve, puis je suis les saisons en saison, je me tanne pas. C'est comme les jeux en tant que tel, on va trouver une niche, quelque chose qu'on aime, puis on joue. Regarde, il y en a qui aiment faire du tricot, mais bon. Mais nous, bon animé. Nous, on aime ça, justement, regarder des émissions, parce que c'est juste 1 heure, puis souvent, c'est ce qui bouche. Qu'un film de 2-3 heures, où est-ce que t'as pas ce temps-là, ou voudrais-tu couper ton film en deux? C'est pas intéressant. Au moins, ça, tu en pars un, t'as le temps pour en regarder un, t'en regardes. C'est 20 un, minutes. Si t'en veux en regarder 5, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis il y a des choses, les gens peuvent regarder. Je pense que si vous regardez sur le site d'Imovision, ils ont quelques animés qui ont acheté les droits puis qui redistribuent. Je pense qu'ils font une série de Gundam. Ils ont Albator, je pense qu'ils ont les Cités d'Or, ils ont Lodoss War qu'on parlait. Mm-hmm. Malheureusement, Lodoss War, ça n'a pas dû très bien se vendre parce qu'il y a une autre série d'Lodoss War qui est les chroniques Chronicle of the Heroic Knight. Mm-hmm. Ça a jamais, à ce que je sache, ça n'a jamais été traduit en français ou c'est pas venu ici. Parce que je sais qu'ils l'ont pas, ils ont juste la première série. Mm. Peut-être si les gens commencent à en demander. Ben peut-être qu'ils vont nous en donner plus, j'imagine. Aucune idée, parce que ça dépend encore même d'Imavision, s'ils décident ou pas de dire, bon, ben on va essayer d'acheter les droits, mais je sais pas, des fois aussi, ça peut être une question d'avoir une difficulté d'avoir ces droits-là, parce qu'ils sont déjà aux États-Unis, exemple, ou autre, en Amérique du Nord, fait que eux autres disent, regarde, on l'a déjà, fait qu'il faut que tu t'entendes avec l'autre, c'est peut-être trop compliqué, là. Il y a peut-être bien des choses qu'on sait pas à ce niveau-là, mais une chose qu'on sait, c'est que si Imavision l'a amené ici, mais c'est justement, comme je disais tantôt, au point de vue légal, idéalement, ça serait d'acheter les coffrets. Ben, acheter les coffrets. Si c'est disponible, acheter les coffrets au moins pour encourager. Si c'est pas disponible, ben là, ça c'est autre chose. Il y a des choses qui viendront jamais disponibles ici. Non. Mais ça serait le fun qu'on... Mais il y en a que, comme il disait, c'était des fans qui les traduisaient et qui les mettaient. Donc, parce que justement, elles sont pas disponibles ici. C'est ça. Mais des fois, ça commence comme ça. Puis à un moment donné, il y a du monde qui s'aperçoit que ben, peut-être, si on les ferait... Ça... Mais il y a eu une demande, donc. C'est ça. C'est un peu comme Futurama. Futurama avait été cancellé parce qu'ils s'apercevaient que le monde ne le regardait pas à la télévision, puis si les codes d'écoute étaient rendus trop basses pour que ça valait la peine. Ils ont commencé à sortir les coffres en DVD, ils se sont aperçus que ça se vendait comme des petits pains chauds. ils ont recommencé à faire une nouvelle série de Futurama parce que c'est, ben, le monde en veut. Mais oui. Puis peut-être qu'ils ne regarderont pas nécessairement à la télévision, mais ils vont acheter les coffrets quand ça sort. Fait que des fois, le mode de consommation de contenu est en train de changer énormément. Oui. Fait que ça devient plus du... Le monde est tanné, où le monde ne veut plus nécessairement se faire dire que tu es obligé de t'écraser en avant de ta télé à 7h le soir pour regarder ton émission. Tandis que ton DVD, tu peux l'écouter quand tu veux. C'est ça, ton DVD, tu peux l'écouter quand tu veux. Mmh. Ou Netflix, tu veux regarder un film, tu veux regarder quelque chose, c'est quand tu veux. C'est, ça s'en va vers ça. Fait qu'il va falloir demander que les compagnies de contenu allument et disent, regarde, ça commence. Faut changer notre manière de penser. Le monde ne veut plus nécessairement à 7h30 jusqu'à 8h s'asseoir et regarder la petite demi-heure de leur programme. Souvent, c'est peut-être là que le monde décroche ou c'est là que le monde commence à pirater le contenu au lieu de le regarder parce que c'est pas offert autrement. Ben, y en a aussi de mes amis qui l'enregistrent. Ils vont l'enregistrer. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas le temps là, mais qu'ils vont le regarder lorsqu'ils vont avoir le temps. Regarder plus tard. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, peut-être que la mentalité va changer. En espérant qu'ils s'adaptent. Fait que là-dessus, on va passer à d'autres choses. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on parle d'anime. J'espère que ça vous a plu, puis que vous n'avez pas trouvé ça trop long. C'est vraiment... C'était pour présenter un peu comment ça se passait, d'où ça vient, puis l'historique. Les prochaines fois, ben peut-être Simon va peut-être aller sur une série en tant que telle, puis développer ou peut-être un style où t'en écoutes tellement, puis t'en découvres tout le temps les nouvelles. Aussi, ouais. À un moment donné, tu peux nous trouver quelque chose qui est facile à trouver ici, puis que le monde peut aller se procurer. Exact. Ou encore en suivre les auditeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent demander, voir quel style aussi qu'ils aiment, que je pourrais peut-être essayer de leur en trouver un. Oui. Tout est possible. Parce que je sais qu'il y a certains magasins qui ont beaucoup d'animés japonais. Normalement, c'est en anglais ou c'est japonais sous-titré en anglais. Ouais. Mais il y a des magasins qui... Je me rappelle pas du nom, là. Ça fait longtemps que je suis pas allé là, mais je suis au Carrefour Laval, puis je pense qu'ils ont un magasin aussi à Montréal, qui est un magasin qui vend du DVD, des choses comme ça, puis ils ont une section complète d'animés japonais. Puis souvent, j'allais voir là, puis c'est des choses que j'ai jamais entendu parler de. Mais okay. C'est disponible en parce anglais que, souvent. Peut-être qu'ils font importer. Sûrement, ou ça vient des États-Unis, ou ça peut-être, mais c'est lisable sur nos lecteurs DVD ici, là. Ils vendent pas nécessairement du... Ben, auparavant, j'en ai pogné, là, qui me demandait du PAL. Là. OK. Ben, ce que j'ai vu, ces tablettes, c'était pour être utilisé ici, là. Ça venait pas nécessairement d'Europe ou des zones autres. Parce que les Japonais aussi utilisaient le PAL. Japonais, ils ont un autre format, je pense. Mais là, ça a peut-être changé, là. Ouais. C'est pour ça que des fois sur les coffrets c'était marqué PAL aussi. Ouais, mais japonais je pense sont au NTSC eux autres aussi, mais je suis pas sûr que c'est exactement la même chose là. Mais en tout cas, fait que c'est disponible si vous trouvez des magasins spécialisés ou des magasins qui vendent des choses moins grand public, qui ont une petite section de stock un peu plus nébuleux. Souvent vous allez trouver de l'animé japonais là-dedans, puis vous pouvez découvrir des affaires qui sont il y a des trésors, c'est sûr, qui sont intéressantes à regarder. Mm-hmm. Des affaires de robots, des affaires de ninja, tout ça. Ben, en tout cas, amusez-vous puis quand on en trouvera des intéressantes, on vous en reparlera. Well, if you ever plan to go to West, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks. Oklahoma City looks so, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barskow, San Bernardino, won't you get hip to this kind of... Fait que moi, je vais vous parler de ma visite au Salon de l'Auto. Je sais, c'est pas un podcast d'auto. C'est un podcast technologique, mais je suis allé faire un tour. Il y a quand même des affaires assez intéressantes que j'ai trouvées là-dedans. S'il y en a des gens qui se magasinent une auto, j'en ai vu des assez incroyables. Si vous avez 2 millions de dollars à dépenser. Il y avait une belle Bugatti Veyron disponible. Je vais gratter mon petit change. Tu vas regarder ton fond de tiroir. C'était assez impressionnant à voir. C'est un automobile que vous verrez probablement jamais se promener sur les routes du Québec. J'espère pour eux. ça va coûter cher de tailleur. Ouais. Celle qui était là, je ne sais pas si elle appartenait à quelqu'un ou si elle a été prêtée ou elle avait des plaques de Ferrari Québec dessus. Je ne sais pas s'il y en a une en stock pour vendre, mais je ne sais pas. John Scotty. À part Monsieur la Liberté au Québec, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui peut se payer ça. Un set de pneus, c'est 25 000 $. Fait que si vous avez besoin de 4 pneus pour votre auto, c'est 25 000 $. Fait que ça vous dit à peu près, à chaque fois que vous changez les pneus dessus, vous pouvez vous acheter probablement une Chevrolet Cruze ou quelque chose comme ça. Fait que c'est le prix d'un auto que le monde s'achète normalement. C'est le prix d'un salaire annuel pour la majorité des gens. Hein? C'est ça. Fait que ça commence à faire de l'argent. Mais c'était impressionnant à voir. Là, c'est un automobile que ça fait une couple d'années que je vois sur Internet. Puis la voir en vrai, c'est quelque chose. Est-ce que je la trouve belle? Pas du tout. Je trouve que c'est affreux. C'est right. Ça a l'air d'une bulle. C'est avoir de l'argent infini. Je ne même pas me l'acheter. Non, la Lamborghini, c'est une œuvre d'art. C'est vraiment, c'est beau. Une Bugatti Veyron, je ne sais pas. Pour moi, là, non. Un assemblage de morceaux ensemble, non, c'est quelque chose que ça vaut 2 millions. C'est quelque chose, c'est, je veux dire, c'est une pièce incroyable. Là, je veux dire, ils disent que c'est un W16, mais c'est deux V8 ensemble. Il y a 4 turbos là-dessus. Ça fait un V16? Ça fait un W16, qu'il appelle. Aïe. Puis il y a des radiateurs. Il y a plus que, je pense, il y a une couple de radiateurs là-dessus. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, là. Ça a 1001, je pense, à au-dessus de 1000 chevaux, 1001 chevaux. Ça va jusqu'à 400 km/h. Là, je veux dire, c'est vraiment une bête là. Mais puis si vous regardez, ceux que ça les intéresse d'en voir une se faire détruire, regardez sur Internet, il y a quelqu'un, si je me rappelle bien, c'est au Texas qui en avait une, puis je pense qu'il textait au volant ou quelque chose, ou il s'est penché pour ramasser quelque chose, puis sur le côté de l'autoroute, il y a un lac d'eau salée. Puis, tranquillement, on voit l'auto qui se tasse, puis à un moment donné, elle rentre dans l'eau. Ouch. Puis, de l'eau salée, c'est corrosif, là. Fait que je sais pas ce qu'en est devenu de l'auto, mais on la voit sortie, puis il y a vraiment magané, il y a de l'eau partout dedans. Fait que félicitations, champion, là. Mais si on la voit sortie, c'est que quelqu'un d'autre qui l'a filmé? C'est quelqu'un qui roulait sur l'autoroute, puis il dit, regarde, il dit comme à son chum, regarde une Bugatti Veyron, puis ils ont... Regarde la Bugatti Veyron. C'est ça, dans l'eau. Fait que c'était vraiment quelque chose de comment scraper 2 millions en 30 secondes, là. Mais c'est une voiture quand même incroyable. Pour les gens qui aiment les voitures sport, j'ai vu une auto qui est la Subaru BRZ, qui va avoir une petite cousine chez Sion, qui va être la Sion FRS. On n'avait pas la FRS à Montréal, elle va être à Toronto. Je trouve ça un peu plate parce que j'osais depuis à peu près un mois avec les gens qui gèrent le compte de Toyota Canada sur Twitter ou de Sion Canada sur Twitter. Puis, oui, elle va être là, tu nous enverras des photos quand tu vas la voir, tout ça. Puis, je suis arrivé là-bas, puis on m'a dit, ah non, on l'a pas eu, on la garde pour la présenter à Toronto. Ah, bon, merci beaucoup. Mais Subaru avait la leur à Montréal. C'est très joli. Chez Toyota, ça ressemble un peu à ce qui va être la remplaçante de la défunte Silica ou de la défunte aussi MR2. Un char sport, deux portes, propulsion, quelque chose que les jeunes vont aimer, là, un peu comme une Mini Supra. Fait que c'est vraiment, ouais, c'est très très joli. Toyota pense la vendre aux alentours de 25 000. Puis quand j'ai demandé chez Subaru, il m'a dit qu'elle va être 30 000. Fait que, comme j'ai dit au gars de Subaru, c'est parce que si t'as vendu 30 000, Toyota l'a vendu 25 000, t'en vendras pas. Parce que c'est la même auto. Subaru sont renommés pour toujours du 4 roues motrices puis des choses comme ça. Celle-là est propulsion pareille. C'est la première auto chez Subaru qui n'est pas une traction intégrale. OK. Fait que, pareil, à part la carrosserie, c'est la même mécanique. C'est vraiment un projet commun entre Toyota et Subaru. C'est le moteur de la Subaru qu'il y a dedans, puis c'est les ingénieurs de Toyota qui ont fait d'autres choses. Fait que c'est la même auto, là. Ouais, mais si on fait un projet commun, ils vont le vendre le même prix. Hein? Ben, ça n'a pas l'air. Ou il y a un des deux qui ne savait pas de quoi qu'il parlait. Okay. Mais pour l'avoir vu, celle de Subaru, C'est tape à l'œil, là. C'est extrêmement joli. Je mettrai une photo sur le site si vous voulez la voir. Ou sinon, tapez dans Google Subaru BRZ ou Sion FRS. Puis vous allez voir, c'est quelque chose de joli. C'est une belle petite voiture si vous cherchez un petit char sport. Ce que j'ai vu aussi que j'ai bien aimé, à Montréal, on a été chanceux, on a eu la Lexus LFA. Ceux qui n'ont peut-être entendu parler sur. Qui sont très peu d'auto, là. C'est un peu la réponse à Ferrari Lamborghini de Toyota avec leur marque de luxe qui est Lexus. C'est un auto qu'on ne sait pas encore combien est-ce qu'elle va se vendre. Même, je ne pense pas qu'elle se vend encore. C'est encore un modèle. Non, c'est le modèle de production, mais je pense qu'ils n'ont pas commencé nécessairement à en vendre encore. Puis, c'est un auto qu'on ne sait pas trop non plus combien est-ce qu'elle va coûter. Il y avait des rumeurs que Toyota ferait juste la louer. Ils en font un certain nombre fixe. C'est vraiment quelque chose, mais c'est une voiture qui est assez incroyable, là. Ça a un look bien, bien spécial. Puis elle était à Montréal. C'était impressionnant. Non, mais c'est assez impressionnant à voir. Okay. Là. C'est quelque chose. C'est une belle voiture, mais c'est pour ceux qui ont des budgets plus grands que le mien. Qui peuvent se permettre d'envoyer une Veyron dans de l'eau salée. Dans de l'eau salée. Pour, pour le gars qui a mis sa Veyron dans l'eau salée, ben il peut aller chercher ça pour se consoler. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Mon auto favorite depuis que ma berline favorite, que Annick ne comprend pas pourquoi je l'aime, moi c'est la Kia Optima qui m'a tapé dans l'œil. Tu veux comprendre? Non, c'est une blague. Il n'y a rien à comprendre. Je sais pas, c'est une auto que j'ai vue puis que j'ai trouvée super belle. Puis quand je suis allé là-bas, vraiment, j'ai pris le temps de la regarder. Quelqu'un qui cherche une petite berline en bas de 30 000 $ là, même ça commence à 22 000 là, de base, là, c'est, moi, je la trouve vraiment belle. Fait que si vous cherchez une auto 4 portes familiale, allez voir ça. J'ai eu la chance aussi de voir la petite Chevrolet Volt qu'on entend parler depuis si longtemps. Qui est un auto hybride, mais comme pas. Plus gaz? Non, c'est pas mal la seule qui fait vraiment ça de cette manière-là, c'est qu'elle roule toujours sur les batteries, okay. Mais elle a un moteur à essence. Mm-hmm. Ce que le moteur à essence fait, c'est qu'il fait juste. Il est utilisé comme une génératrice. OK. Il remplit la batterie. Parfait. Fait que vous pouvez faire à peu près, peut-être un peu moins de 100 km juste sur les batteries. Après ça, le moteur à essence embarque, recharge les batteries, mais vous roulez toujours sur la batterie. Le moteur n'est pas attaché après les roues aucunement. Le moteur à essence, mais c'est le moteur électrique. Mais pour recharger la batterie au lieu électrique, c'est de l'essence. C'est ça, mais elle peut aussi être branchable. Fait qu'elle fait les deux. Donc, pour économiser de l'essence. Oui. Donc, ben non, comme je te dis, le moteur à essence, c'est une génératrice. Fait que lui, il n'est pas du tout attaché après les roues. Ce qu'il fait, c'est qu'il recharge la batterie. Fait que t'arrives à la maison, ta branche, elle se charge au complet, mm-hmm. Tu pars travailler, mm-hmm. tu travailles en dedans de 50 km, tu peux faire ton aller-retour sans jamais utiliser le moteur à essence. Parce que tu vas la recharger. Tu vas la recharger le soir. Okay. Tu fais Montréal-Québec, tu vas faire ton premier 100 km, la batterie va se décharger. Le moteur qui est la génératrice va embarquer pour charger tes batteries, mais c'est toujours ton moteur électrique qui fait tourner tes roues. Sachant que tu n'as pas de borne, mettons, à tant de kilomètres, donc c'est ça. Le gaz va. Parce que présentement, les bornes de recharge au Québec, c'est quelque chose qui n'est pas trouvable. Mais ça, on va en reparler tantôt. Fait que c'est ça. J'ai eu le bonheur de rencontrer Carnado aussi au salon d'auto de Montréal. Ceux qui ne connaissent pas Carnado, vous le connaissez peut-être un peu si vous regardez cette télé. Carnado, c'est celui qui est le pilote, le vrai pilote dans l'émission Équipé pour rouler. C'est lui qui teste les autos vraiment sur la piste. Un gars super sympathique. J'ai jasé une quinzaine de minutes avec, là, puis j'ai eu bien du fun à parler avec. Fait qu'il était là, c'était bien agréable. Parlant de électrique, j'ai appris que pendant l'année 2012, on est en train d'avoir vraiment une infrastructure qui commence à être intéressante pour ceux qui veulent s'acheter un auto électrique. Ça sonne un peu granola, mon affaire, ou trop environnemental, mais c'est quand même une nouvelle technologie, l'auto hybride, les autos électriques, on en voit de plus en plus. Il y a la Nissan Leaf qui est totalement électrique qui est sortie, il y a la Mitsubishi i-MiEV qui est totalement électrique qui est sortie. Puis, on va en avoir d'autres. Il y a la Focus électrique qui s'en vient. de Ford. Ils vont faire la fusion, je pense, électrique aussi. Ça s'en va tout par là. Ça s'en va vraiment. À un moment donné, il faudra trouver un remplacement pour l'essence, puis ça va être probablement l'électricité, parce que le restant, Toyota a pensé à des moteurs à hydrogène. Je me rappelle, au salon de l'auto, il y a des années, il y avait une Mazda Miata qui roulait à l'hydrogène. Ça n'a jamais sorti parce que c'est difficile à produire. Pas de l'hélium, de l'hydrogène. Tu te trompes dans tes gaz. Mais c'est ça. Fait que c'est un gaz très volatile. Puis c'est difficile à produire. Puis c'est difficile à emmagasiner selon ce qu'ils disent. Donc, ça n'a jamais levé. Fait que c'est vraiment vers l'électricité qu'on s'en va. Mais le problème de l'électricité, c'est les batteries. Puis c'est la durée, le nombre de kilométrages qu'on peut faire sur une charge. Fait qu'il y a un projet qui est en train de se mettre en branle, puis selon ce qu'ils nous ont montré, ça va lever pour 2012. Puis c'est ce qu'ils appellent le circuit électrique. Si vous allez sur internet à lecircuitelectrique.com, c'est fait conjointement avec Saint-Hubert, Rona, Métro, comme d'habitude, aussitôt qu'on parle d'électricité, c'est Hydro-Québec, puis l'AMT. Fait que ce qui va se passer, c'est que certains restaurants Saint-Hubert, certains Rona, puis certains Métro vont avoir des bornes de recharge sur place. C'est pas fait pour recharger l'automobile complètement, c'est fait pour des recharges d'urgence. Donc, le temps que tu te commandes un snack au Saint-Hubert. Le temps que tu manges, des choses comme ça, mais ça ne remplira pas la batterie au complet. Ils vont installer une centaine de bornes à travers le Québec, dans la région de Montréal, dans la région de Québec. Vous allez pouvoir faire Montréal-Québec, puis vous allez rencontrer des bornes de recharge en vous en allant. C'est des bornes à 240 volts, c'est pas des bornes de 400 volts. 240 volts, c'est que ça prend environ 8 heures à recharger un auto. À 400 volts, vous la rechargez en à peu près 2 heures. Oui, mais c'est justement ce à quoi j'avais entendu parler au niveau des bornes, qu'il va y avoir des bornes qui vont offrir une recharge qu'on va pouvoir payer et que tu vas pouvoir recharger jusqu'à 80% de ta batterie. C'est ça. Dans le rapide. Mais là, toi, tu me dis que ça ne se fera pas, ça va être juste spécifiquement 240. Non, pour l'instant, c'est du 240. Le 400 volts va s'en venir. On en a parlé pendant que j'étais là-bas, j'ai parlé avec quelqu'un qui travaille pour ce projet-là. Il disait les bornes de 400 volts s'en viennent, mais sont en train de les homologuer, voir quel modèle qu'ils vont installer, puis tout ça. Donc, pour 2012, c'est des bornes de 240 volts. Puis, après ça, on va s'en aller vers des bornes de 400 volts. J'espère qu'ils ont pensé à faire des endroits où on va pouvoir se stationner, donc des grandes places de stationnement pour ça, parce que j'imagine que ça va faire la queue encore, à un moment donné, il va y avoir un bouchon quelque part pour dire « moi aussi je veux recharger, là, je suis dû », puis c'est d'attendre 8 heures de recharge, c'est incroyable, ça veut dire j'espère qu'il va y avoir des hôtels à proche. Mais ces bornes-là sont pas faites pour recharger ton auto complètement. C'est pour donner ton boost. C'est pour donner ton petit boost pour être capable de te rendre jusque chez vous. Ou chez ton ami. Ou à la personne où tu t'en vas. De recharger ton auto. C'est ça. Fait que c'est pas fait là, vraiment pour. Je vais aller manger chez Saint-Hubert, puis par le temps que je vais brancher mon auto. Je vais prendre mon temps. C'est ça. Je vais manger pendant 8 heures. Ouais, c'est ça. Puis je vais recharger mon auto complet. C'est fait pour aider à te rendre jusqu'à ta destination. Te donner un petit boost d'électricité. Mais avec les bornes de 400 volts, ça va aider. Tu vas pouvoir vraiment peut-être charger ton auto complètement. Je me rappelle pas du prix. Laissez-moi regarder, je suis sur Internet en même temps. Le prix, quand ils m'ont dit combien ça coûtait brancher ton auto pour la charger, je trouvais que c'est vraiment quelque chose c'est presque gratuit, là. Combien coûte la recharge? 2,50. Fait que il disait, tu vas arriver chez Saint-Hubert, tu vas vouloir brancher ton auto, tu donnes 2,50, tu branches ton auto, puis quand tu repars, c'est 2,50. Fait que ça veut pas dire je mange pendant 3 heures parce que je mange bien lentement ou je veux charger l'auto plus. Ça coûte pas plus cher que si tu recharges 15 minutes. C'est 2,50, c'est un tarif fixe et tout. Yeah, ouais. Fait que je trouvais que c'était comme 2,50. Ouais, mais c'est une question de temps. Combien de temps tu peux la recharger? Il n'y a pas de limite. Ils m'ont pas parlé que tu pouvais pas rester plus que 15 minutes ou tu pouvais pas rester plus qu'une heure. C'est 2,50. Là que je veux dire que les gens vont peut-être le rester branchés puis empêcher d'autres, non? Peut-être, mais... Ils vont peut-être changer On va s'adapter, mais... Mais, c'est ça. Je veux dire, quand le parc automobile de voitures électriques va grossir, ils vont sûrement s'adapter. Parce qu'à date, je sais pas si quand tu te promènes pour aller au travail, tu vois bien des autos électriques. Moi, j'ai croisé une couple de Volt, puis la Volt, ben, elle a pas ce problème-là, parce que si ta batterie est vide, ton moteur recharge tes batteries. C'est ça. Fait que j'ai pas vu de Leaf encore sur la route. Puis, complètement électrique, parce qu'il faut que tu planifies tes déplacements. Faut que tu planifies. Comme moi, là, je fais 150 km. Oublie ça, là. Tu te rendrais pas. Ben, je me rendrais. La Leaf, je pense qu'elle fait 160 km, mais il faudrait que ta branche rendue au travail. Puis pour toi, assurer d'avoir une charge pour revenir à la maison. Tu serais probablement correct parce qu'une journée de travail, c'est 8 heures à peu près. Fait que tu branches ton auto quand tu arrives. Est chargé quand tu t'en retournes, parce que ça prend 8 heures charger une auto. Il faut que j'aie une borne, un endroit spécifique pour ça, puis bien comme moi, je me stationne à l'intérieur. Oui. Éventuellement, ils vont devoir penser à rajouter des prises électriques pour les gens. Mais théoriquement, en 8 heures, tu charges ton auto à 240 volts. Parce que quand tu achètes une auto, comme quand j'ai parlé au gars pour la Volt, mm-hmm. Chevrolet donne un chargeur avec. Il y a des autos qu'il faut que tu achètes ton chargeur, à part le prix de l'auto. Fait que tu vas payer ton auto 40 000, mm-hmm. plus il faut que tu achètes un chargeur que je pense qu'il coûte 1500 ou quelque chose comme ça. Okay. Puis tu le fasses installer par un électricien dans ton garage, dépendant quel genre de borne tu prends. Chevrolet donne un chargeur qui est un 240 volts, que ça prend 8 heures à charger ton auto. Mais tu arrives le soir, tu le charges, tu le branches, théoriquement le lendemain matin, tu as plus que 8 heures de passé, ton auto est chargé. Dans la journée, tu fais une journée de travail de 8 heures. T'as ton chargeur dans ta valise, t'as une prise de courant normale, tu peux la brancher. Mais faut que tu le traînes avec toi. Faut que tu traînes avec toi. Si tu vas dans un stationnement. Puis il n'y a pas de prise, mais t'es fait. C'est ça. Fait que ça, éventuellement, les gens vont devoir évoluer puis s'adapter. Les places de stationnement, par exemple, comme dans Montréal, ils vont éventuellement avoir des prises électriques dédiées pour ça, puis ils vont peut-être charger de plus le loyer. C'est ça coûte mensuellement. Mais on n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu. Au point où le parc automobile est assez grand pour voir. C'est ça. Que, mettons, le soir, quand tu reviens chez toi, c'est là que tu vas charger durant ton 8 heures pour être prêt pour demain. Tu es supposé avoir assez de charge pour faire toute ta journée ailleurs. Oui, c'est ça. C'est ça, on n'est pas rendu là encore. Je veux dire, il n'y a pas une auto à date que si quelqu'un fait quand même beaucoup de kilométrage, peut faire un aller-retour sans avoir à recharger son auto. Je pense que la seule, ça serait peut-être la Tesla, qui est un genre de Lotus, Lotus Evora, ou une Lotus, en tout cas je ne me rappelle pas trop du modèle, électrique. Mm-hmm. Elle, je pense qu'elle est capable de faire 240 km ou 200 km sur sa charge. Mais c'est un genre de 150 000. C'est ça. Fait que c'est pas abordable. Avec le budget pour les gens du milieu, donc c'est ça. Puis, quand même, il y a toujours le côté environnemental des batteries, c'est que dans 7 ans ou dans 10 ans, quand tes batteries sont plus bonnes, il faut en disposer. Fait que là, il y a du monde qui dit, on est-tu mieux de brûler, d'aller vers le diesel que d'aller vers l'électrique, parce que le diesel propre, c'est moins polluant que du gaz normal, que de l'essence normale. Puis, c'est quand même, quand on dispose des batteries, que ça commence à être un problème. Mais je veux dire, on est encore au stade embryonnaire quasiment, mais ça commence à aller un peu plus loin. Oui, les compagnies commencent à en sortir parce que le monde en demande. Mais je regardais, puis la Volt se vend 35 000, mais c'est après un rabais du gouvernement, je pense, qui est de 7 000. Fait que c'est quand même pas des autos abordables. Mais la Volt est jolie, mais c'est pratique. Normal, c'est tout neuf, là. C'est ça, mais c'est encore un peu cher, peut-être, mais ça dépend. Oui, mais c'est comme la technologie, là. Des fois, ils vont offrir de quoi d'haut de gamme, puis les gens qui sont plus riches vont se le procurer. À un moment donné, ça va devenir pour le commun, pour nous. C'est ça, fait que ça s'en vient, mais c'est comme pour moi, là. Si on voit que, bon, d'ici 2020, mais moi aussi, je suis prête à tourner vers, puis j'aimerais ça avoir ma voiture électrique, ça serait fantastique, là. Mm-hmm. Sauf que je suis pas prête à dire, bon, ben, en 2012, je vais m'en acheter une. Non, c'est ça. Je dois attendre, là. Je vais attendre, voir comment ça se passe, puis on verra après, là. C'est une auto parfaite. Quelqu'un qui travaille proche de la maison, qui a 20 minutes à faire pour se rendre, ou une demi-heure de route à faire pour se rendre, ben 20 minutes, mettons, là. Un 30 km, un 20 km, tu fais aller-retour, tu rebranches ton auto, tu pourrais jamais avoir besoin de mettre d'essence, même dans une Volt. Dans une auto électrique, tu n'aurais pas besoin d'avoir peur de manquer d'électricité. Non, mais il faut pas avoir. Mais aussitôt que tu dépasses cette limite-là, c'est un peu comme. Moi, ça enlève la liberté, Luc. J'ai toujours la crainte, moi, quand je pars, puis il me reste une demi-tank de gaz. Je disais, bon, faut que j'arrête de gazer parce que j'aime pas le feeling de conduire mon auto puis de dire la lumière va allumer, je vais manquer de gaz. J'aime autant prévenir ce sentiment de qu'est-ce qui va arriver si je pogne du trafic puis que tu dois consommer. Déjà parti comme sur le bord en me disant je vais gazer en revenant ce soir, puis là tu pognes un accident ou une tempête de neige en plein après-midi, tu passes 2 heures dans le trafic. J'aime pas ce feeling-là. Avec un auto électrique, j'aurais l'impression d'être toujours sur ce feeling-là, à savoir, je vais-tu me rendre? Mais c'est pas juste ça, c'est le sentiment aussi d'autonomie. Une auto qu'on a pour nous, on peut partir n'importe quand, n'importe où, contrairement à prendre le transport en commun à ce moment-là. Là. C'est-à-dire, si on remplace un pour l'autre, fait que si on prend, on achète de quoi qui est assez onéreux présentement, puis que là, on se dit, garde, j'ai toujours pas cette liberté-là de pouvoir aller où ce que je veux parce que justement, t'as des craintes, comme tu viens de dire. Moi, je suis pas acheteur, là. C'est ça. Ben, puis pour l'instant, on n'a pas l'infrastructure. Ça, le circuit électrique, ça va aider. Ça va évoluer avec les années. Fait qu'on voit qu'on a la mentalité de s'en aller vers là. Puis je pense que le Québec, c'est une des premières. Selon ce que la personne que qui je parlais me disait, c'est une des premières provinces à faire ça. Wow. Faut qu'on est quand même avant-gardiste. C'est sûr, avec Hydro-Québec, on est quand c'est même. Parce qu'en Suisse, ils font quelque chose de similaire aussi. Oui, mais en Europe, ils sont en avance sur nous, sur les technologies d'essence, des choses comme ça. En Europe, le diesel propre, c'est utilisé couramment. Ici, je veux dire, des autos diesel, il y en a une infime partie. En Europe, toutes les compagnies font des automobiles au diesel. Au Canada, c'est dur à trouver. Ford offre pas de moteur diesel à part dans ses camions. Mais éventuellement, ça va aller vers ça. Là. Parce que le pétrole, on aura pas le choix. Est limité. Là. C'est ça. À un moment donné, ben, le diesel, ça reste que c'est du pétrole. Fait qu'il faut se tourner vers quelque chose d'autre. Puis à un moment donné, ben, on n'aura pas le choix. Puis ça va-tu être l'électricité, ça va-tu être l'hydrogène, ça va-tu... L'hydrogène, c'est propre comme énergie parce que quand ça explose, ça devient de l'eau. Je veux dire, c'est... Le temps que t'es pas dans le champ, c'est correct, mais quand t'as l'explosion de l'hydrogène, au lieu que nous autres, ça devient du CO2, l'hydrogène redevient de l'eau. Fait que de l'eau, je veux dire, c'est pas dommageable pour l'environnement. Fait qu'avec un système fermé, tu pourrais peut-être mettre de l'eau qui va se transformer en hydrogène une fois, puis avoir une roue continue, mais on n'est pas rendu là. Ah, on a quand même trouvé un bonus à ça. C'est que présentement, l'eau se vend moins cher au litre que l'essence. Oui, ça, c'est pour tout de suite. Fait que c'est ça, c'était ma petite visite au salon de l'auto. J'ai bien aimé. Comme à chaque année, c'était plein de monde, mais moi, c'est comme mon petit bonbon début d'année. Je vais peut-être sauter l'année prochaine. Normalement, je ne vais pas toutes les années. Je n'étais pas supposé y aller cette année, puis finalement, je suis allé quand même. C'est vrai, il y avait une petite affaire. Je parlais avant qu'on enregistre le podcast avec Simon. J'ai vu quelque chose qui était quand même pas si pire. J'ai trouvé ça intéressant. C'est une espèce de pellicule qui s'installe par-dessus votre peinture. Puis selon ce qu'un client m'a dit, là, c'est vraiment, vraiment super ce que ça fait. Fait que si vous avez une auto neuve, puis ça vous tente pas de repeinturer votre capot à tous les printemps parce que l'hiver, il s'est fait détruire par le sel et les petites roches. C'est un produit qui s'appelle, ben en tout cas le produit, j'ai pas le nom, mais le nom de la compagnie, c'est Max Plus. Vous pouvez les voir au www.maxpluscanada.com. Regardez ce qu'ils font là. C'est une pellicule de plastique transparente qu'ils mettent par-dessus le capot, les ailes, le devant. Ce qui est plus propice à recevoir des roches, là, puis selon ce qu'un client m'a dit et non pas le vendeur, parce que les vendeurs, c'est sûr qu'ils diront pas que c'est pas bon, mais ce qu'un client avait fait, lui, il était impressionné. Ça lui a coûté 700$ faire plusieurs parties de son auto. C'est même pas le prix d'une repeinture de capot, là. Je trouvais que ça avait de l'allure. Fait que ceux qui ont des autos qui aiment ça, les bichonner et les protéger. Comme ceux qui ont des Mustangs. Vous irez voir ça. Comme ceux qui ont des Mustangs ou qui pensent en avoir une. Puis en passant, oui, j'ai vu des Mustangs. Oui, ils sont belles, mais non, il n'y a pas vraiment grand chose à dire pour cette année. Fait que je passe mon tour là-dessus. Même bleu poudre puis verte. Ouais, le vert que t'as pas, le vert que t'as pas aimé, là. Fait que non, mais c'est ça. que j'ai découvert quand même pas mal proche de sa sortie au mois de novembre. Pour être plus précis, le jeu est sorti le 15 novembre 2011 en Amérique du Nord, au Canada. C'est Rayman Origins. Il y a une version présentement, une version PS3, une version Xbox 360, une version Wii, puis il y a une version qui s'en vient au mois de mars, aux alentours du 13 mars, qui va être une 3DS, puis il va aussi avoir une version pour la nouvelle PlayStation Vita. Ouais. Qui s'en vient très rapidement. On ne sait pas ce que ça va donner comme résultat. Là. Ils ont déjà eu des rumeurs de baisse de prix au Japon. Fait que je sais pas si ça va venir ici. Fait que c'est une très belle console, mais comment est-ce qu'elle va être reçue et combien est-ce qu'elle va vendre, c'est encore une question un peu qui est lancée dans les airs. On va voir. Donc, Rayman Origins, c'est un platformer, c'est-à-dire un jeu à la Pont-Vieux Super Mario Bros. Sauf qu'au lieu d'être Mario, on est Rayman, qui finalement revient dans un jeu à lui. On avait perdu un peu Rayman de vue comme personnage principal avec les lapins crétins, qui a connu un succès tellement grand qu'on a mis un peu Rayman à l'arrière-plan ou sur la tablette. Mais ils ont décidé de faire un jeu encore au nom de Rayman, puis je vous dirais que c'est extrêmement bien réussi. Simon, tu l'as vu parce que quand t'es arrivé aujourd'hui, je jouais. C'est un scroller, ça. C'est un side scroller, fait que c'est vraiment un platformer, là. On saute, jeu de plateforme. De base, là, comme on connaît Rayman, un peu Sonic, ces choses comme ça. C'est un peu un mélange de Rayman et de Sonic. Peut-être on court, on ramasse des choses en sautant. Exact. C'est un peu comme, pas un mélange de Rayman et de Sonic, c'est sûr, c'est Rayman. Mm-hmm. Un mélange de Mario et de Sonic. C'est très coloré, c'est très cartoon, c'est dessin animé vraiment poussé là, à l'extrême. Mais les graphiques sont beaux, c'est très joli, c'est très très joli, mais c'est vraiment bande dessinée. Là, ouais. C'est cartoon, c'est ça, poussé à l'extrême. C'est aussi l'univers est comique, les méchants sont pas effrayants, sont vraiment comiques à regarder, c'est vraiment vraiment cute. C'est un jeu qui se joue seul ou jusqu'à 4 joueurs en coopératif, comme Super Mario Bros. Mario Bros. Wii. Sur Xbox Live ou bien coopératif directement, ça, exemple, dans ton salon? C'est coopératif dans le salon. J'ai pas essayé s'il y avait du jeu en ligne. Oups. Mais je pense que c'est coopératif seulement sur le même écran. Je pense pas que ça joue en ligne. OK. Mais... ça fait pas. Je me suis vraiment consacré à jouer l'histoire. Fait que j'ai pas regardé encore s'il y avait du jeu en ligne, mais ça me surprendrait bien gros. Moi, je te pardonne. OK, merci. J'espère que vous me pardonnerez aussi. C'est ça, on retrouve Rayman. Le but du jeu, c'est de sauver le monde dans lequel on vit de gros méchants qui décident qu'ils n'aiment pas nécessairement de la manière qu'on vit. L'animation de début est quand même très très comique, ce que t'as pas vu parce que t'es arrivé, j'avais commencé déjà, où on voit Rayman qui dort avec sa gang d'amis, avec de la musique qui joue. Rayman, il mange, les autres dorment, ils ronflent, puis ils dérangent des êtres souterrains. Okay. Qui sont pas contents parce qu'ils se font déranger par la musique, puis par les ronflements, puis tout ça. Le tintamarre qui se passe en haut. Puis ils décident d'envahir ce monde-là pour finalement... pour dire arrêter les achaler. Puis fait qu'on se retrouve à... faut sauver des êtres qui sont mis en cage en passant à travers des tableaux. Faut ramasser des espèces de petites boules de lumière vivante. Pour des lumes, exactement. Okay. Comme moi, t'es tellement hot. Wow! Finalement, Simon, est-ce que c'est bon? Tu connais plus les personnages que je l'ai juste entrevu tout à l'heure. Fait qu'on ramasse des lumes pour. Ça nous donne des bonus. On ramasse comme des gros sous, un peu comme dans Super Mario Bros. Wii aussi, qu'on ramasse un certain nombre de sous dans chaque niveau. C'est la même chose. On a des niveaux où il faut qu'on nage, des niveaux où il faut qu'on saute sur les murs, on a des lianes, on a des plateformes qu'on peut déployer ou refermer dépendant quand on tape sur une espèce de plante. Fait que vous allez arriver dans un niveau où il y a des espèces de plantes avec des piquants dessus. Puis là, il faut que vous ayez chercher le sou. Mais vous cognez sur la plante, les piquants se ferment. Vous pouvez aller chercher votre sou. Puis continuer. Des fois, il y a des plateformes avec des méchants dessus. Vous tapez la plante, les plateformes s'enlèvent, les méchants tombent. Vous remettez vos plateformes, vous repassez. Mais c'est très simple à jouer. C'est vraiment un jeu que même un enfant pourrait jouer. Là. Oui, ben, je te voyais aller tantôt. Puis. Je me dis, regarde, même moi, je suis capable. Mais c'est super le fun à jouer. Si vous vous cherchez un jeu de plateforme pas compliqué ou ce que vous allez avoir du plaisir, c'est oui, vous allez mourir de temps en temps. Il n'y a pas de nombre de vies. Vous mourrez, vous recommencez le tableau où vous êtes rendu. Il y a des points de sauvegarde. Il y a des petites zones cachées où ce qu'on peut aller sauver un être de plus caché dans une boîte. Puis après ça, on continue, puis on va chercher celui, le principal, qu'il fallait aller sauver dans le niveau. Mais il y en a qui sont cachés à d'autres places. Plus vous ramassez de ces on appellerait ça une quête secondaire, exemple? C'est comme une... Moi, je sais pas, c'est une quête... T'es pas obligé d'aller le faire pour terminer ton tableau, mais si tu le fais, ça te donne plus de points. Faut ramasser ces espèces de personnages roses-là. Encore là, les noms m'échappent. Mais en le jouant, vous allez les découvrir. quand vous ramassez ce personnage-là... ça va vous faut en ramasser un certain nombre pour ouvrir une autre section. Fait que vous pouvez continuer toujours votre section qui s'en va de gauche à droite, d'un monde à un autre, mais de temps en temps, vous allez avoir une espèce d'intersection où vous avez un niveau en haut de ce niveau-là, puis ça vous prend un certain nombre, un peu comme dans ceux qui ont joué à Super Mario Bros. Wii. Je ramène toujours à ce jeu-là parce que c'est vraiment comme la référence des jeux de plateforme Super Mario, où ce que vous arrivez dans un niveau, puis ça vous prend 15 étoiles pour débarrer ce niveau-là. Ben, c'est la même chose, ça prend 25 personnages roses pour pouvoir entrer dans ce niveau-là et aller faire des niveaux bonus. Mais quand même un niveau de difficulté, c'est-à-dire que des fois, il faut que tu sautes d'un endroit à l'autre. Là, tout le temps, faire des jump, ouais. Comme ça, un saut. Je suis pas sûr que Bastien, ton fils... Tu sais, dans le fond, pourrait réussir là, quelque chose comme ça du premier coup, pas du premier coup, mais Bastien joue à Super Mario Bros. Sur sa DS, puis ils deviennent quand même assez rapidement habitués à jouer à ce genre de jeu-là. Fait que ça se maîtrise quand même assez rapidement. Même quand j'ai commencé, moi je me demandais au début, tu peux pas donner de coup de poing. Faut que tu apprennes, plus tu t'en vas, plus que tu vas découvrir des nouveaux pouvoirs. Fait que le premier pouvoir que tu vas avoir, c'est un pouvoir de baf. OK. Il dit, vous avez débarré le pouvoir de baf. Fait que tu donnes des coups de poing. Puis c'est vraiment drôle, puis vraiment dessin animé, parce que tu pèses sur ton bouton, tu donnes un petit coup de poing, tu gardes le bouton enfoncé, puis là, tu vois, il craque son coup de poing en tournant son poing. Pour plus fort. Puis là, il donne un gros coup de poing, puis des fois, ça envoie un ennemi sur un autre ennemi, puis là, les deux montent comme si une ballonne gonflée, puis là, il explose dans les airs. C'est aussi notre manière de mourir. Vous pouvez ramasser un cœur. En vous en allant, il y a des cœurs, il y a des potions de santé qui sont dispersées. Vous ramassez un cœur, ça vous donne le droit de vous faire frapper une fois. Puis si vous faites frapper une deuxième fois, vous mourrez. Si vous n'avez pas ce cœur-là, vous faites frapper une fois, on meurt. Vous mourrez. On meurt quand même assez facilement, mais on vient qu'à s'apercevoir. On va mourir une fois ou deux, puis on va dire, ah oui, il faudrait que je le fasse comme ça, au lieu de le faire comme je le faisais. Mais on commence assez vite. Non? Pas nécessaire. Tu vas commencer au dernier point de sauvegarde. Bon. Fait que les tableaux sont divisés par petites sections, pas tellement grandes, pas tellement longues à faire. On arrive, on a une espèce de porte fermée avec un œil dessus. On y donne un coup de poing pour la passer à travers, on passe dans l'autre section. Puis si on meurt, on recommence, on frappe dans l'œil. Le con pas dans l'œil. Puis si on passe cette porte-là, ensuite si on meurt, on recommence de l'autre côté de cette porte-là. Fait que t'as pas obligé de recommencer le tableau au complet. Si tu meurs, tu recommences dans la section où t'es rendu. Tant aussi longtemps que tu quittes pas le jeu, à ce moment-là, tu reviendras à un endroit où tu recommences ce que t'étais. Okay. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand même assez simple. On gagne des nouveaux pouvoirs. Plus on avance, on apprend à donner des coups de poing pour commencer. On apprend à nager. On apprend à sauter sur les murs. À un moment donné, on apprend à planer. On est capable de sauter puis de planer dans les airs. Il y a des niveaux qui deviennent assez compliqués à un moment donné, un peu plus. C'était pas les anciennes habiletés que Rayman avait? Oui, okay. Mais là on les gagne en s'en allant. Ok, dans les premiers Rayman. Fait que, ouais, c'est ça. Et il n'y a pas d'autres personnages qu'on pouvait jouer aussi? Tu peux jouer le Globox. Tu peux jouer. Je devrais changer de perso, là, à un moment donné. Ouais, tu vas dans. Au début, tu as une espèce de chambre que tu as avec des personnages. Puis quand tu sautes dans la bulle, tu deviens ce personnage-là. Fait que tu as Rayman, tu as les Globox, puis tu as deux autres petits personnages, là, que. Ils ont l'air, en français, ils ont l'air à les appeler les petits êtres, là, ces deux espèces de petites bébêtes à gros nez. OK. Que tu peux jouer aussi. Fait que quand tu joues à 4, ça te prend des personnages différents. Ben oui, exact. Fait que si tu veux, tu peux jouer Rayman, ou tu peux jouer le Globox, ou tu peux jouer. Mais ils ont pas des pouvoirs différents aussi qui pourraient se compléter, ou bien. C'est pas. Je pense. Ça aurait été pas mal les mêmes pouvoirs. J'ai pas essayé de jouer le Globox. Je joue Rayman, parce que j'aime bien jouer Rayman. Puis c'était comme lui que je voulais jouer pour ma première partie. Mais tu peux. Sur le fly, décider de revenir à cette chambre-là, puis changer pour le Globox, puis partir. J'en avais eu un qui avait l'air d'avoir un petit chapeau magique, fait je me disais peut-être que lui... C'est des nouvelles habilités, sûrement, mais je vais le découvrir en le jouant un peu plus. Là, je voulais vraiment pas essayer de passer à travers le jeu en étant Rayman. Okay. Puis non, je me suis pas encore rendu à la fin. Le jeu semble quand même assez long. J'imagine peut-être un 6, 7, 8 heures de jeu, peut-être plus que ça, là. Dépendant toujours. C'est comme Mario, tu peux passer à travers sans tout faire. C'est ça. Comme tu peux passer à travers en cherchant toutes les petites zones fermées, puis toutes les petites cachettes ramassées. Ceux qui aiment ramasser des succès, c'est sûr, ça aussi. Au début, tu en débloques déjà deux en finissant comme le premier tableau. Parce que c'est toujours, ils aiment toujours ça, de donner des petits bonbons. Puis après ça, mais quand tu apprends tes pouvoirs, des choses comme ça, tu vas débarrer d'autres choses. C'est dur à trouver, surtout sur Xbox, puis sur PlayStation, peut-être des bons jeux de plateforme qui ressemblent un peu à Mario comme on aime. C'est vraiment un bon jeu. C'est vraiment plate qu'il se soit pas nécessairement vendu beaucoup. Il a comme passé en dessous du radar. Le monde en a parlé en bien aussi. Il est super bien coté. Ouais, mais on dirait que les ventes, je sais pas si ça a été vraiment, vraiment bon, parce qu'on en entend presque pas parler. Non. De jeu là, mais j'ai vu Monsieur Net, ils l'ont critiqué, si je me rappelle bien, puis il y a du monde qui en a parlé, puis tous ceux qui l'ont essayé ont aimé ça. Bon. Fait que moi, je vous le conseille, même je sais pas si ça va être permanent ou si c'est quelque chose de temporaire, mais en début de semaine, fait que nous, on est le 28, la journée qu'on enregistre, la semaine passée, chez EB Games ou GameStop. Il a tombé à 29,99$ sur PS3 et Xbox, puis il est tombé à 19,99$ pour ceux qui ont une Wii. Je sais que ceux qui ont une Wii, ben, vous avez Super Mario Bros. Wii à jouer, mais c'est une super bonne alternative. 4 en coop, ça doit être vraiment, vraiment le fun. Je vais probablement l'essayer avec mon petit gars au courant peut-être de la journée de demain, ou mec, j'ai avancé un peu plus dans le jeu, parce que c'est quelque chose que, comme un peu dans Mario, quand tu meurs, tu gonfles en ballon. Dans Mario, tu es dans une bulle. Si la personne qui joue avec toi te touche, tu reviens, puis tu peux continuer à jouer. Mm-hmm. Mais ça me fait penser beaucoup à du Lego Star Wars, ou à juste tous tes Lego, là, que ça a l'air une belle petite coop pour jouer avec ton gars, puis ça semble pas mal casual, que tout le monde peut jouer, puis ça passe du bon temps. C'est ça. C'est le but du jeu, c'est pas compliqué à apprendre. C'est sûr que quand j'ai commencé à jouer, je me disais, pourquoi je peux pas donner de coup de poing? T'arrives à tes premiers ennemis, puis faut que tu passes par-dessus, ou tu passes en dessous, ou faut que tu les évites, ou tu leur sautes vraiment dessus pour les tuer, parce que si t'arrives de côté, c'est eux autres qui te tuent. Je te dis pourquoi? Je me rappelle avoir essayé la démo, puis je pouvais donner un coup de poing. Ouais. Là, c'est quand tu te rends à ramasser ton premier. Délivrer la première bonhomme dans sa cage, que là, une fée te donne le pouvoir des baffes, fait le pouvoir de frapper. Fait que moi, c'est un jeu que je vous conseille. C'est un jeu que moi, je vais continuer à jouer, puis que je veux vraiment jouer. Je veux dire, je l'ai acheté parce que je le trouve beau, je le trouvais le fun. J'ai adoré la démo, puis j'hésitais un peu. Je me disais, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Je l'ai acheté quand j'ai vu la baisse de prix. Je trouvais qu'à 60$, peut-être, c'était cher un peu. Mais plus je le joue, plus que je me dis qu'il vaut quand même le prix, là. Puis c'est vraiment un bon platformer. Fait que moi, je vous dis, allez le chercher, vous allez vous amuser comme des petits fous. C'est vraiment beau, c'est facile à apprendre, ça se maîtrise super bien. Puis ça fait différent des shooters, puis des jeux de combat, ouais. Puis de tout ce qu'on retrouve sur Xbox, PlayStation. Je trouve que c'est rafraîchissant. Puis il est tellement beau à regarder, c'est coloré, là. T'as l'impression de jouer dans une bande dessinée, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Donc j'espère que avec la baisse de prix, peut-être le monde vont décider d'aller se le chercher, puis que les ventes vont s'améliorer, puis qu'ils vont peut-être nous en sortir une deuxième version de jeu-là. Ah, je pensais nous donner une cote. Non, nous donner une cote, je pense qu'il n'y a pas. Non, mais c'est vrai que j'avoue, pour 30$, j'achète. Mais non, je ne suis pas une personne qui joue essentiellement console, je suis plus PC. Mais vraiment, je te regardais aller, puis j'avais autant de fun à te voir aller, puis essayer de dire « Ah ouais, vas-y là », puis je t'ai aidé à m'en donner une place pour dire « Regarde, il y a de quoi qui se passe là, va voir », puis... C'est ça, regarde en bas, puis là, puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, tu tombes dans l'eau, puis il n'y a rien. C'est pas dangereux, tu nages, tu t'en vas, là, tu ressors, il y a des geysers qui montent dans les airs, tu rentres dans le geyser, tu te propulses vers le haut... ils jouent beaucoup avec ils jouent avec la profondeur. À un moment donné, tu rentres puis tu sautes sur une plante, puis au lieu de t'envoyer en haut, elle t'envoie vers le fond de l'écran. Ouais, ça je l'ai vu, là, ça fait ouh. Tu te ramasses sur un espèce de plateau que tu voyais en fond d'écran, que tu dis c'est juste pour faire beau, mais là t'es rendu là. C'est ça. Puis là tu fais ta petite partie, puis là à l'autre bout t'as la même plante que tu ressors dessus, puis ils te ramènent où ce que t'étais. Exact. Ils ont pensé jouer avec comme les profondeurs et tout ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Ouais, bonne qualité. Fait que puis c'est fun aussi à regarder. On jouait puis tu me disais ah, passe par là. Puis à un moment donné, tu tombes à l'eau, puis là, il y a une espèce de plante main. Piranha qui veut te ramasser. Puis c'est plein de surprises. C'est vraiment, vraiment le fun à jouer. Oui. Autant les adultes que les enfants, là. Ouais, bon, et puis même Bastien était là, mais il nous me regardait jouer. Oh, ouais. il avait hâte. Il trouvait ça. Il aimait ça. Fait que des enfants qui aiment les dessins animés vont peut-être bien s'asseoir à côté de vous autres puis vous regarder jouer. Puis c'est un jeu que c'est pas méchant, il n'y a pas de sang, c'est pas extrêmement violent. Les bonhommes partent en ballon puis ils disparaissent si on les retouche pas, sinon ils explosent, mais il n'y a rien, ils font juste comme pouf puis ils disparaissent. C'est pas, il n'y a pas de dégueu, il n'y a rien. C'est vraiment comme regarder un dessin animé à la télévision. Fait que si vous voulez jouer à un jeu puis ça vous dérangera pas que votre enfant de 5-6 ans soit assis à côté puis qu'il vous regarde jouer, il va trouver ça drôle. Fait que c'est un achat assuré. Vous allez passer du bon temps pour ce jeu-là. Puis même Simon, que c'est pas son style de jeu, il trouvait ça cool. Ben ça l'est un peu. C'est un peu mon style, c'est juste que moi je joue pas console. Ouais, c'est vrai, parce que j'ai joué à Mario là, autant. Là, avant. C'est ça. Je sais pas s'ils vont sortir une version PC, mais ça. J'ai joué au premier Rayman aussi, là. Ouais, ça date. Ah, excusez. Ça date, mais c'est drôle parce que le concepteur, c'est Michel Ancel, puis il cherchait un jeu à faire à un moment donné chez Ubisoft, puis il a ressorti des dessins qu'il faisait dans le temps qu'il était à l'école, puis il y avait ce personnage-là qui était pas de cou, pas de bras. Pas de jambes, juste des pieds, un torse, puis une tête. Puis ça, ça ferait un bon personnage pour un jeu vidéo. Puis c'est devenu Rayman. Mm-hmm. Puis ça a beaucoup vendu. Oui, c'était bon. Dans le temps. Puis c'est le fun qu'il ramène. Puis j'avais trouvé ça plate un peu, qu'il perde sa place au Lapin Crétin. C'est drôle, les Lapins Crétins. Là. C'est une super belle création. Mais... C'est pas pour tout le monde, je dirais. Non, mais c'est ça. J'ai pas trop trippé. Franchement, mon opinion à moi, le Lapin Crétin, c'est peut-être parce que j'ai pas joué énormément dessus, mais je suis plus enclin à jouer vraiment à Rayman qu'au Lapin Crétin. Ouais, mais Lapin Crétin, c'est des mini-jeux, je veux dire. C'est... Peut-être pour ça aussi. C'est très différent, mais dans le premier Lapin Crétin, il avait pris Rayman, puis c'était lui qu'on jouait. Mm-hmm. On jouait Rayman contre les Lapins Crétins. C'est ça. Puis ça a tellement eu de succès qu'après ça, c'est devenu les Lapins Crétins. Mais c'est comme Ice Age, là. L'ère de glace, on était tellement pris avec le petit écureuil et sa noix qu'ils ont fait, après ça, un film à part de l'écureuil et sa noix, non? Quelque chose comme ça. Il y avait des petits clips, là. Il y a des petits comme intros au film où il y avait l'écureuil avec sa noix. Mais à un moment donné, quand c'est l'écureuil avec la noix qui est l'affaire la plus drôle dans le film, mais je veux dire, c'est quand il s'en vient avec un nouveau air de glace. Okay. Mais je te dirais que j'ai les trois premiers. Là, on est rendu qu'on parle de film. Là. Mais j'ai les trois premiers. Puis je veux dire, on les regarde à tour de rôle. Puis c'est mieux que ce que Shrek est devenu. Shrek, avec Shrek 3, déjà, c'était trop. Shrek 4... Il était temps qu'il finisse. Là. C'était la fin. Là. C'est le dernier, je pense. Ouais, là, c'est le dernier. Puis là, ils ont fait Puss in Boots, là, le chapoté qu'on a parlé dans le podcast que t'as vu, qu'on t'avait traîné au cinéma pour venir le voir. Puis c'était le temps que ça finisse. Déjà avec le 3, moi, j'avais trouvé que c'était déjà trop. Le 4, il y a tellement des contradictions dans l'histoire avec les autres que je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Mais au moins, Heure de glace, ils ont gardé quelque chose. C'est toujours drôle, c'est toujours le fun. Puis c'est des films que mon gars aime beaucoup regarder encore aujourd'hui. Puis là, ils s'en viennent avec un autre. J'espère qu'ils se planteront pas. Je trouve ça plate. Aussi. J'aimerais ça qu'ils arrêtent avant de se planter, mais c'est tellement rendu des vaches à lait à cette heure au cinéma que... C'est juste... C'est la même chose avec De quoi qui marche au niveau des jeux. Oui, ils vont en faire, puis à un moment donné, en sortent un par année, puis tu dilues le produit, au lieu d'en faire un ou deux, trois ans, puis qu'il soit super bon, t'en sors un par année pour faire plus d'argent, puis à un moment donné, tu déçois tes fans, puis ça arrête là. Tu fais moins d'argent. Puis à un moment donné, tu fais plus d'argent avec ça. C'est ça. Un bon exemple, c'est Star Wars qui sort en 3D dans une couple de semaines. OK. c'est tirer la vache à lait, puis aussi, pas tirer, mais c'est traire la vache jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de lait à donner, puis c'est ça. Il y a aussi, t'as sûrement entendu parler de George Lucas qui a pris sa retraite. Hein? Tu savais pas? Ah ben, tu m'annonces toute une nouvelle. Ben oui, je l'ai vu sur Twitter. OK, j'espère. J'aime ça me faire niaiser. Donc, on va terminer là-dessus. Ça fait déjà un bon petit bout de temps qu'on jase. On a eu des sujets qu'on a parlé plus longtemps. J'espère que vous avez aimé le sujet de manga. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que on se dit de quoi qu'on parle avant de commencer le podcast, mais je lis pas ce que Simon va parler. Fait que quand il parle, ben moi aussi je l'écoute comme vous faites. Fait que c'est vraiment pas des affaires qui sont préparées. Lui, il se prépare d'avance, moi je me prépare d'avance, mais on se parle pas de nos sujets. Non, je sais pas de quoi tu parles. Fait que je veux dire, il m'a pas dit ce qu'il allait dire ce soir. Fait que je l'écoutais puis j'apprenais en même temps. Fait que je trouve ça intéressant. Les mangas, c'est quand même le fun. C'est un univers qui est incroyable, un peu comme le restant du dessin animé, mais c'est tellement varié. C'est très vaste. C'est incroyable. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Si oui, dites-nous là, puis Simon va probablement nous sortir des nouvelles séries ou des choses qui se trouvent facilement, que vous pouvez commencer avec. Vous allez voir, c'est un nouveau monde. Il y a les BD américaines qui sont super intéressantes. Là, DC avec le reboot ont des histoires très, très intéressantes. Je te laisse le soin d'en parler. Mais les mangas... Non, il y a déjà des podcasts qui font des très bonnes parties sur les comic books. J'ai pas l'intention d'embarquer là-dedans, même si j'adore les comic books. Là. Mm-hmm. Mais on n'empiètera pas sur les là-dessus. Mais les mangas, c'est totalement un autre univers. Là. C'est vraiment... Ouais, le Japon, varié. C'est une île. Hein. C'est vraiment un autre monde. C'est ça. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour une sixième émission. Merci. Puis on se retrouve le mois prochain. Oubliez pas, j'ai aussi maintenant Histoire de Gamer que je fais une fois par mois avec des invités divers. Mon premier invité pour l'épisode numéro 1, ça a été Dominique Simard. L'épisode numéro 2, ça a été Bruno Georget. Le prochain, si tout va bien, c'est Maxime Tremblay de L'Épée légendaire. Puis après ça, si encore tout va bien, ça devrait être Tristan Geoffroy de l'émission Monsieur Net. Donc, j'espère que vous allez suivre ça aussi à date. Il y a des bons commentaires sur ce podcast-là. As-tu des dates? J'ai sort une fois par mois. Normalement, ce que je voulais faire avec le podcast, c'est je voulais avoir la sortie de notre podcast à la fin du mois, celui qu'on fait tous ensemble. Mm-hmm. Puis Histoire de Gamer, c'est supposé être au début du mois. Mais là, je suis en train de regarder peut-être pour inverser ça, parce que nous, on enregistre souvent à la fin du mois. Le temps que j'édite et tout ça, je vais le sortir la semaine d'après. Je vais être moins pressé de le sortir, pour faire une meilleure édition, puis l'envoyer. Parce qu'Histoire de Gamer, j'ai pas d'édition à faire. Fait que je peux c'est le faire même. Le matin, je l'enregistre, puis je rajoute la musique au début, la musique à la fin, puis le restant, je l'envoie comme c'est. C'est une discussion, fait que je veux pas que ça soit entrecoupé. Fait que je coupe juste le début, la fin des fois, c'est quand je parle avec la personne. Puis après ça, puis que c'est pas comme le show est comme pas commencé. Après ça, je mets les introductions, puis la finale, puis je peux le mettre sur Internet dans la même journée. C'est beaucoup plus facile. Tandis que nous autres, ben, je rajoute de la musique puis des choses comme ça pour les entre chaque, puis des images, puis je fais une version améliorée, tandis que l'autre, c'est juste une version MP3. Mm-hmm. Fait que, mais vous allez avoir deux podcasts par mois qui viennent de nous autres. Un, Histoire de Gamer, l'autre, c'est vraiment notre podcast qu'on fait entre amis ici. Puis, en toute intimité. En toute intimité. Avec nos 450 000 auditeurs. Et quelquefois du sortilège. C'est ça. Ou ce soir, de l'eau. De l'eau. Donc, de l'eau, c'est très bon. Vive à la vie. C'est ça. Donc, revenez-nous c'est le mois prochain. Puis, d'ici là, ben, faites attention à vous. Au revoir. Au revoir.